Notre petit groupe de survivants est toujours à la recherche d'indices à propos de l'assassinat d'Altaïr. Cependant, un autre chroniqueur les contacte pour une mission plutôt intrigante. Ils doivent retrouver la trace d'un artefact qui était en route pour le fief des chroniqueurs à Bermago. En suivant les indications du chroniqueur, ils parviennent dans une forêt lugubre. Là-bas, ils y trouvent le chariot accidenté ainsi que l'artefact imposant jonché sur le sol. C'est un cercueil en pierre noire. Non loin de là, un chroniqueur blessé est retrouvé, mais à peine ils commencent à le prendre en charge qu'ils sont attaqués par une meute de Gendos et de leur mâle alpha. Le combat est acharné, et après de nombreuses attaques et des blessures plus ou moins sévères, ils sortent finalement victorieux. La mission terminée, ils sont de retour à Lucatoré. Maintenant, il est temps de retrouver Fernex. Vos personnages se trouvent actuellement à l'entrée de la fameuse forêt. Cette forêt qui longe et qui entoure complètement Lucatoré. Vous avez décidé de l'explorer et, assez simplement, grâce aux chasseuses, vous avez pu obtenir la piste de Fernex. Vous commencez petit à petit à rentrer à l'intérieur de cette dernière et très rapidement, vous voyez que la moindre parcelle de lumière est complètement absorbée. Rien ne filtre à travers l'épais feuillage qui vous entoure. Il a plu récemment et la piste est encore boueuse. En jetant quelques coups d'œil furtifs, vous pouvez d'ailleurs apercevoir quelques traces de pas devant vous. Malheureusement, plus vous vous enfoncez et plus la végétation reprend ses droits. Il ne s'agit pas là d'un chemin bien tracé et par moments, il vous est plus compliqué que d'autres de suivre la piste. Et je vais commencer à vous demander un premier jet d'instinct perception avec une difficulté de 2, combiné à un jet d'instinct survie avec une difficulté de 3. Je vais tous les remettre. Instinct perception. À l'écrit, ouais, combiné à instinct survie. Alors, tu peux me rappeler que les. Bien sûr, je ne peux pas faire. C'est... Non, je faire... alors. Ça fait longtemps que j'ai pas joué du coup. Alors, instinct et. Instinct perception. En fait, pour réussir un test d'instinct perception avec une difficulté de 2, puis d'instinct survival. Ok, donc je dois lancer le nombre de cases que j'ai coché, enfin que j'ai en noir. Exactement, en tout. Alors attends, je vais te faire un petit récap. Et je sais plus. Faut que. Oui, enfin bon, je vais les lancer. Bah, tu te rappelles, tu combines simplement ta valeur d'attribut et ta valeur de compétence. Okay. Moi je mets le résultat dans le 4. Instinct et 2 en perception, tu jettes 6. Et je sais plus, alors déclencheur c'est les 6, c'est ça? Exactement. Et les 1 ça n'a pas de valeur d'échec critique ou je sais pas quoi Alors, pour rappel, une réussite c'est un 4, un 5 ou un 6. Un 6 en plus d'être une réussite est aussi un déclencheur. Oui. Et le 1, si jamais tu fais plus de 1 que de réussite, c'est un échec critique. Et question là, pour le deuxième jet, j'ai fait 2 réussites, 2 déclencheurs. Pardon Est-ce que déclencheurs vont me permettre un peu d'influencer ou c'est un échec total? Étant donné, alors. Ah non, si jamais c'est un échec, les déclencheurs ne sont pas pris en compte. Juste, si jamais il y a autant de 1 que de réussite, c'est un échec critique? S'il y a plus de 1 que de réussite et que le jeu jette un échec, c'est un échec critique. Ah. Ce qui fait et que si autant, en... autant, et si on a. Autant, c'est... Tu comptes pas les 1 en fait. Okay. Si on a autant, c'est pas grave. Et si jamais, par exemple, t'as plus de 1 que de réussite, mais que le jet réussit, c'est pas un échec critique non plus. La règle de l'échec critique est assez laxiste, ils se sont plutôt créé une difficulté au niveau, par exemple, des combats et des dommages. Okay. C'est suffisant. Désolé. Il y a pas de hasard là-dedans. Désolé montage. Non, y a aucun souci. C'est normal de faire un petit récap des règles de temps en temps. Non, je suis trop triste, j'ai fait 2 réussites de déclencheur, j'ai vu 2 si j'étais content, c'est un échec. Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un a donc réussi la combinaison des 2G ? Attendez. Non, j'ai réussi. Ah, faut faire 2G ? Alors justement, faut faire à la fois un G d'instinct perception et à la fois un G d'instinct survival. Ah, je suis désolé. Là, j'ai posté que le premier pour l'instant. Ok, ouais, bien sûr. Vas-y. Réussite deuxième, s'il te plaît. En fait, ça vous demande plusieurs tests. Ah non. Les déclencheurs sont cumulables les uns sur les autres. Donc c'est deux réussites. Enfin, c'est un difficulté 2 pour les deux, c'est ça? C'est ça. Le premier, il faut faire deux succès. Et le deuxième, il faut en faire. Putain. Donc pour l'instant. Bon, bah, il nous reste Antoine, sinon on a tous perdu. J'ai pas réussi la survie. Voyons voir si les entraînements de track serviront. Eh bien oui. Vous êtes sur le point de perdre les traces de ton ex lorsque le juge Jacquard s'arrête au loin. Il est là, accroché à un arbre, les jambes sur une espèce de gros rocher posé à côté. Il se tient et regarde à l'horizon. Et il vous fait signe de venir. Vous vous approchez. Et un peu plus loin, celui-ci semble avoir retrouvé la piste du chasseur. Les traces sont encore récentes. Visiblement, c'est bel et bien lui qui est passé par là. Il doit avoir un peu plus d'une journée d'avance sur vous. Alors, vous vous pressez le pas. Et vous vous enfoncez de plus en plus dans le cœur de la forêt. Qui sait combien de temps vous allez y passer ? À marcher. De temps en temps, vous faites une pause. Vous mangez de quelques sandwichs que vous ont préparé Dana et que Jacquard a récupéré hier. Vous marchez dans la grande globalité en direction de l'ouest. Si jamais certains jettent un coup d'œil à la carte, vous voyez donc vous rapprochez finalement de votre point de départ. Vous êtes sans doute même parallèle à la route, mais à plusieurs kilomètres éloignés. La carte de... La carte de Lucatori. Ah oui, d'accord. On peut y voir justement la forêt qui l'entoure. Ah, ok, excuse-moi. Il n'y a aucun souci. Assez rapidement, toutefois, s'installe une humidité assez inhabituelle. Comme si, régnant au fin fond de cette forêt... Une certaine... C'est assez difficile d'exprimer ce que vous ressentez actuellement. Comme si tout dans cette forêt était étrange. Vous n'y voyez pas un animal, vous n'y entendez pas un bruit. Le temps semble s'y être complètement arrêté. Petit à petit, l'angoisse commence à prendre certains d'entre vous. Je regarde mon dilacérateur. Et, bien sûr. En regardant ton dilacérateur, pour l'instant, tu n'y vois rien d'inhabituel. Mais de temps en temps, tu choisis d'y jeter quelques coups d'œil. Attif, je te préviendrai si jamais il y a du nouveau. Je regarde mon marteau. Tu vois que ton marteau est bien trop lisse. Cela va faire beaucoup de temps qu'il n'a pas fracassé le crâne de quelque chose d'humain. Je ne regarde rien de particulier. Me manque peut-être. Et cette tension qui monte en toi petit à petit te donne de plus en plus envie. Je vais vous demander un second jet en combinaison entre instinct perception 2 et instinct de survie 3. Alors, instinct perception, tu as dit, et instinct survie 3. Je vais le remettre, mais c'est exactement le même jet que je vous ai demandé tout à l'heure. On parle toujours de suivre les traces d'un homme qui s'est enfoncé dans la forêt. Alors, hop, équipe. Oh, ça sent le bon jet. Hop, alors. Et donc, instinct, tu as dit de perception, c'est bien ça? C'est le même? Exactement. Très bien. Puis instinct survival. Oui, survival, je voulais dire. Je suis con, je l'ai déjà fait, perception. T'en fais pas. Oh! Hop. Ok. Bon. Ok, très bien. vous retrouvez sans mal la trace de Farnax. Cette fois-ci, le chemin ne fait plus que quelques centimètres et on voit qu'il a dû l'emprunter tout au long. La forêt tout autour a repris ses droits. Et au bout de quelques heures, semble-t-il, la nuit commence à tomber. Difficile d'ailleurs de savoir s'il fait réellement nuit ou si c'est simplement ces arbres gigantesques qui prennent le devant sur la lumière projetée par le soleil. Toutefois, quelques gouttes commencent à perler et à petit à petit vous tomber dessus. Visiblement, ces dernières coulent le long des branches, le long des feuilles et atterrissent au sol. Il va bientôt se mettre à pleuvoir, peut-être faudra-t-il penser à vous reposer, quitte à passer la nuit à l'abri. Ou peut-être souhaitez-vous tout simplement continuer la traque de Farnax. Le problème c'est que la pluie risque d'effacer les traces. S'il pleut beaucoup, ça pourrait rendre plus difficile le pistage en fait. Voilà. Et puis moi, le problème que je vois, c'est que Farnax c'est un chasseur et qui sera en tirer profit. Donc, je pense que on devrait pas s'arrêter et faire fi de nos lacunes. Puis, pour l'instant, c'est que de la pluie. Voilà. Je m'en fiche, en combinaison hermétique, on serait pas mouillé. Moi non plus. Mais on a compris. Vous choisissez donc de persister. Moi, j'ai mon maquillage qui va couler. Non. Non, mais on marche. Allez. Et au bout de quelques temps, vous entendez un espèce de craquement au loin. À quelques mètres de vous, visiblement entre les fourrés, quelque chose s'agite. Que faites-vous ? Je regarde mon dilacérateur. Ton dilacérateur semble bouger et s'agiter très légèrement. Ah, je suis sur mes gardes. Je préviens discrètement. À combien de distance vraiment de nous ? Visiblement seulement à quelques mètres. Si jamais il s'agissait là de quelque chose, d'une créature vraiment liée à la sporulation, le dilacérateur serait bien plus agité. Mais visiblement, quelque chose ne tourne pas rond dans cette forêt. Ok, je vais essayer. Je vais essayer d'approcher. Toujours un peu discrètement, mais un peu plus vite. Et je vais tenter de, une fois que je serai bien à portée, de donner un énorme coup de marteau dans sa gueule au ce qui bouge. Et là, c'était Farnax. Bim. Et là, il est mort. Vous vous approchez donc. Le jacquard prêt à combattre. Est-ce que, au fur et à mesure que l'on approche de la zone, est-ce que mon dilacérateur, ça bouge, c'est un peu plus à l'intérieur. Visiblement non, pour l'instant, pas à cette distance en tout cas. Ouais. Donc en gros, ça bouge légèrement, donc c'est pas. Et après que l'on fait un pas de trop dans cette direction, vous entendez comme un soubresaut à quelques mètres de vous, comme si un petit animal s'était parti en courant. En entendant votre arrivée, vous remarquez que la zone sur laquelle il devait se trouver plus récemment est marquée au sol par une espèce de mandala. Certains d'entre vous y reconnaîtront un chakra terrestre, une forme abstraite. D'ailleurs, Mokosh, il te semble en avoir vu une un peu similaire. Noté dans le livre de comptes d'une auberge, il y a de cela quelques mois. Celle où, avec Abby, vous aviez combattu les occupants. Le symbole n'est pas le même, mais il semble ressembler en tout cas. Quand je regarde coche, est-ce que on voit qu'elle qu'elle est intriguée par le mandala ou pas? Sauf mention contraire de Mokosh, généralement elle a plutôt tendance à être assez impassible. Poker face. J'imagine que vous n'en prenez pas énormément conscience. Ça vous dit quelque chose? Sauf si l'inverse est indiqué. Bah du coup je pose la question, ça vous dit quelque chose? Vous pouvez vous en approcher si vous le souhaitez ou reprendre votre chemin. Ah oui, ça fait cette taille là quand même. Oui. Justement, oui, c'est gros. Je voyais un truc plus petit, moi. Ah oui, moi je pensais que c'était genre vraiment un mandala fait compas et tout. Non, là c'est. Oui. J'aurais dû être plus clair sur la description. Merde, c'est pas. Justement, quelque chose creusé à quelques centimètres dans la terre qui doit faire plusieurs mètres d'envergure. De diamètre. De diamètre, moi c'est. De diamètre, oui, pardon. 2-3 mètres de diamètre, quoi. À peu près. On pourrait y allonger facilement un homme. Du coup, je pose la question, je dis ça vous dit quelque chose? Ça vous parle ce symbole? Vaguement. Je crois que j'ai déjà vu quelque chose de semblable. Ah, pas particulièrement. Et t'as vu ça où? J'ai vu ça dans une auberge et il me semble, si je me souviens bien, que j'en ai un objet sur moi que Abby avait récupéré là-bas. Si je me souviens bien, faut que je vérifie mon inventaire, que je n'ai sûrement pas noté parce que je suis malin. Excuse-moi, tu dis des choses bizarres, Anna Baptiste. Est-ce que le fantôme d'Abby peut-être pourrait nous aiguiller là-dessus? Alors, tout à fait. Un journal, il me semble. Tout à fait, parce que à la mort d'Abby, il y a eu un légage d'héritage dans lequel se trouvait ce fameux carnet. Oui. Oh là là. Wink wink. C'est pour ça que j'ai mis un message qu'il a peut-être vu très récemment, il me semble. Parce que elle est là sur elle. Enfin, si elle l'a pris sur elle, mais ça aurait été très bizarre qu'elle fasse. Oh, un truc à Abby. En effet, vous voyez Abby. Mokosh. Et sort de son package, de son sac, quelques affaires, dont un calepin qui était entreposé dans une poche externe. Enfin, interne, du coup. Elle l'ouvre, le feuillette à quelques moments, et vous voyez que dans ce qui semble être justement un livre de comptes, dans lequel sont notés différents noms et différents prix, quelques gribouillis forment quelques symboles géométriques à peu près semblables. Toric, tu as quelques connaissances au niveau des chakras terrestres, pardon. Tu te doutes qu'il s'agit là d'une manière de marquer la forêt. Dans tous les cas, je vais vous demander de me faire un jet d'intelligence légende. C'est pour moi. Alors, avec une difficulté de 4 ou. Je vais vous l'indiquer aussi. Donc, légende. Et ou. Ou il me permet comme ça, vous l'aurez. Ou alors d'intelligence, science avec une difficulté de 3, avec un bonus de 1D pour l'hospitalier. Oh, ah bah c'est intéressant, dis-moi. Donc intelligence, science avec 1D bonus pour moi. De supplémentaire pour toi, en effet. Ça me fait 7D. Bah oui, je suis hospitalier, parce que ça sert à quelque chose quand même. Ouais, ça veut rien dire, hein. 7, tu peux avoir que de la dope aussi. Évidemment. Et bah, tu vois, il a fallu que je le dise pour que ça se produise. Voilà. Ça fait combien? J'ai fait 2 réussites. Sur 7D. En sachant que c'était. C'était 3, je crois. Il y a le robot qui a trouvé. Oui, oui. Heureusement qu'on a un chroniqueur. Et également Jacquard. Quoi? Jacquard. Ah non, en effet, ton jet est un échec, excuse-moi. Non, mais pourquoi pas? Mon jet est un échec, oui. Jacquard, il est aussi teubé que moi. Non, en effet, de ton côté, Flux, tu vois exactement de quoi il s'agit, tu as étudié à peu près tous les mythes alentour avant de te rendre dans ce pays. Et tu sais qu'il s'agit sans doute là de marques laissées par les psychokinésistes. La dernière variante des Homo Deus. Elle est également considérée comme la plus dangereuse et elle est sans doute ici en train de construire une nuée. Et le meilleur moyen pour vérifier ça, c'est de t'approcher et en plaçant ta jambe en son centre et en la retirant, tu remarques que sous la terre, appuyée par ton pied, de la vermine semble grouiller, des asticots et des larves remplissent et recouvrent la zone. Bah, je fais part de ces observations et je fixe intensément l'hospitalier qui, je sais, ont des méthodes pour réagir face à ce genre de problème. Allumer. C'est également qu'il y en a certainement plusieurs autres et que ces dernières sont relativement souvent alimentées par des animaux ou des corps humains. En effet. Par des animaux. Du coup, je peux pas poser la question, c'est pas. Sauf si on part du principe que Flux vous a fait part de toutes ses connaissances dans ce cas-là. C'est pour ça qu'au tout début de ma phrase, j'ai dit je leur fais part de tout ce que tu viens de dire. Eh bien, est-ce que ça veut dire que ce sont des corps animaux en décomposition ou des animaux vivants qui seraient. Alors, ça part plutôt du principe que justement le psychokinésiste nourrit sa nuée à l'intérieur et qu'il la nourrit régulièrement avec des corps. Donc, les corps ne se trouvent pas forcément encore en dessous. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est genre des cadavres qui traînaient à côté ou vraiment des gens vivants tout debout? Qui sait? Sans doute des animaux, mais pourquoi pas quelques voyageurs ou bûcherons peu aventureux, malchanceux, qui passeraient au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu vois. Effectivement. Nous devons être sur nos gardes, en tout cas. Il faut creuser aussi, non? Creuser. On sait ce qu'il y a dedans. Hein. Oui, mais s'il y a de la nourriture pour sa nuée, on retire la nourriture et sa nuée, elle sera moins coriace. Je crois. Ça peut être un risque, mais ça veut dire que du coup, ils sont au courant qu'on est au courant, qu'ils sont là, quoi. Et qu'on sait ce que c'est. Honnêtement, je sais pas si vous vous avez remarqué, mais c'est pas la première fois qu'on voit plein d'insectes dans cette ville. Enfin, dans la ville. Je pense qu'ils sont un peu au courant. Qui est au courant? La ville? Non, les insectes. Ah. Et puis, je sais pas, ils ont pas une espèce de... Il y en avait en ville, pas seulement dans le chien, mais aussi... Je sais pas si vous en souvenez. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh oui! Il y en avait aussi chez... j'ai oublié son nom. Madame la Noble. Eh, du coup... Oh merde. Alors, Madame la Noble. La connasse. La régente. Oh, on est d'accord, c'est son prénom maintenant, la connasse. Neva, l'émissaire de fer. Oui, la connasse. Donc. non, Donc, faut aller la tuer. J'ai pas dit c'était alors, là. Ouais, non. Tu veux tout le monde, on sera débarrassé. On se calme. J'ai vu pire que mon tuer n'est pas toujours la solution. non, par contre, du coup, c'est intéressant parce que je n'avais pas fait gaffe. Et ça veut dire que soit elle a un lien avec eux, et si ça prouve, tu vois, la commodité, le meurtre par des... Mais elle prendrait le risque de ramener ici des psychos... pardon, j'ai oublié le nom complet, est-ce que le MJ peut terminer mes... Kinésiste. Merci, psychokinésiste. Elle prendrait le risque de ramener des psychokinésistes dans la région, sachant que... Bah, jusqu'à... Sauf si je me trompe, mais c'est quand même connu pour faire pas mal de dégâts. Je ne sais pas. Monde. Et si elle avait été elle-même infectée? Mes connaissances sont pas super poussées, mais il me semble que ça marche pas comme ça. Genre, toi et moi, on peut pas être. Il me semble. Est-ce hein, que moi, je sais. Que l'hospitalier me contredise. Pardon. Est-ce que l'hospitalier me contredise si c'est le cas. Alors, en effet, dans le niveau des connaissances globales, les gens peuvent être infectés et simplement en gagnant de la sporulation, devenir des léproses. Mais alors, les léproses, du coup. Ça se voit. Alors justement, il y a des... la plupart du temps, cela se voit. C'est possible de le cacher. Il y en a qui arrivent à le faire. Maintenant, il faut voir. Il faut. Ouais, ben, bah, je... par exemple, un petit peu, c'est un peu la même difficulté qu'aurait par exemple un lépreux à le cacher dans notre ère actuelle. C'est faisable, mais ça dépend sur le court et le long terme. Ça dépend des moyens mis à disposition. On l'a vu ce qu'elle a sur la joue droite là, de ce que je vois sur la photo de Neva. En effet, ça semble être une blessure de guerre. En tout cas, si jamais tu as eu l'occasion d'en poser la question à la taverne, c'est ce qu'on t'en a dit. Et on lui, elle a toujours eu ça. Enfin, je veux dire. Ça, malheureusement, tu ne le sais pas. Il faudrait reposer la question pour savoir. Mmh. Est-ce qu'elle est née avec cette blessure de guerre? Non, mais en vrai, imagine, c'est prévu pour qu'on te dise oui. Alors, tu sais, ça serait super drôle de jouer sur ce petit détail, une question absurde hein, qui montrerait que c'est n'importe quoi. Genre, ça serait très drôle. Mais bon, ouais. Petit rappel. Pour l'instant, revenons à ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est-à-dire, ouais, qu'est-ce qu'on fait de ça, là, par terre, là, ce truc. Mais c'est pas toi de savoir, putain. Pardon? Mais oui. J'ai mal compris ce qu'avait dit Jacquard. Moi aussi. Je parlais hospitalier, je disais c'est pas à toi de savoir. Non, on voulait prendre une décision sur ce qu'on faisait. J'ai pas dit, est-ce qu'on le détruit ou est-ce qu'on continue et on voit ce qui se passe. Mais Mokosh, je te fais confiance. Mais c'est Mokosh, mais... Mais moi j'ai quand même peur de m'attirer les fous, enfin de nous attirer les fous des psychokinésistes que le spitié me trompe. Il me semble que, enfin genre, c'est quand même assez dangereux et peut-être mieux d'essayer de les avoir par surprise plutôt que marquer en gros on est là pour vous quoi. C'est dangereux, c'est pas les enfants de cœur. C'est l'extase la plus récente et la plus puissante. Disons que j'ai eu affaire et Mokosh a eu affaire aussi. Un être pyromancien et c'est petit pyromancien, ouais, c'est petit à côté, tu vois, c'est un petit niveau et on a failli crever. Hey, donc, c'est pour ça que je suis pas contre l'idée en vrai de d'empêcher qu'ils ont un nid pour les affaiblir. Hein. Je trouve ça même plutôt attirant, hein, je dois avouer, à la Baptiste. Mais c'est vrai que si jamais on commence à être traqué par des psychokinésistes qui ont très envie de se venger du fait qu'on vient de détruire un de leur nid, ça peut poser peut-être problème. Bah, ils vont pas nous suivre jusqu'à l'éternité. Dès qu'on sera de retour en Barca, ils nous lâchent. La dernière bestiole... On doit rester là pour le moment. La dernière bestiole... On rentre pas en Barca ce soir. Non. La dernière bestiole qu'on en a croisée, elle nous a suivis à travers tout le continent, elle nous a envoyé des assassins. Elle a tué quelqu'un. Vous avez l'air d'avoir un passé formidable, vous deux. Non, pas formidable. Il y a des choses dont on se serait passé, hein, j'avoue. Maintenant. Ah bah, je suis sûr à être traqué par des homo de Genesis, ça va être super sympa. C'est le quotidien. Hein, de... Non, mais c'est la routine. C'est pour ça, genre, est-ce que vous considérez vraiment que ça peut être rentable dans la balance, affaiblir et signaler qu'on est là et hostile. Là, en même temps, je pense que déjà, faudrait savoir combien ils sont. Est-ce qu'il y en a qu'un seul ou s'il y en a plusieurs? Et s'il y a plusieurs nids, ça veut dire qu'ils sont plusieurs ou est-ce qu'un psycho kinésiste fait plusieurs nids? Et comment il faudrait le détruire? Plusieurs nids, ça dépend de combien de temps est-ce qu'il est là. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Il y a peu de chances qu'il y en ait plusieurs. Ok, merci Spitalier d'avoir répondu. Spitalier, oui. Voilà. Exactement. Je me permets de traduire les connaissances que tu as. Oui, non, mais forcément. Maintenant, ce que je tiens quand même à redire, c'est que nous avons affronté, Mokosh et moi, un ferromancien qui, au niveau de la puissance, est quand même bien inférieur. Monsieur Dieu, je pense qu'il faut juste alerter la ville en fait. Aller voir les anabaptistes et que notre anabaptiste vienne les prévenir en fait qu'il y a un problème et qu'ils vont devoir surveiller la zone. Je pense que c'est pas Lucas de s'en occuper. Hein. Mais écoutez, je pense pas qu'on peut laisser des innocents tomber dans le futur dans ces pièges. Et puis plus on parle, plus je rappelle plus non, notre mais c'est sûr, mais vu cible vu nous échappe. Que... Donc je pense que effectivement, je propose qu'on aille signaler. C'est le minimum qu'on puisse faire. Maintenant, ouais. Je serais pas contre l'éliminer tout de suite pour éviter que le problème traîne. Déjà, faut-il déjà qu'on le trouve? Pour l'instant, on a que trouvé qu'un nid. Non, éliminer le nid, vous voulez dire. Mais je pense pas que le nid doit pas être éliminé. Honnêtement, là pour l'instant, on sait que la forêt est très peu empruntée parce que déjà on nous avait fait comprendre qu'il y a peu de gens qui s'aventuraient dans ce secteur là parce qu'il y avait des gens qui avaient disparu déjà. Donc, du coup, les gens évitaient le secteur. Donc, déjà de base, les gens sont allés. Est-ce qu'ils n'auraient pas disparu à cause de. En vrai, il faut voir à partir de quand ils ont disparu, parce que si c'est lié au nid des psychopathies. Oui. On pourrait savoir depuis quand il est là. Ce qui pourrait dire, donner une thèse de soit la connasse a été infectée ou soit elle a engagé un psychokinésiste pour faire quelque chose pour tuer la personne qui est morte. Je suis désolé, j'ai un trou de mémoire. Altair, qui, pour rappel, a été poignardé, enfin égorgé. Oui. Bah, en même temps, moi, j'avoue que je j'aurais été un psychologiste, j'aurais fait quelque chose de pas trop visible en mode c'est moi, cherchez-moi, tu vois. Ouais, dans tous les cas, partez du principe que kinésiste n'a sans doute rien d'humain et ne pourrait absolument pas se balader en ville en passant inaperçu. Sans prendre en compte le fait d'être détecté de ce qu'on raconte, notamment le phéromancien que vous aviez croisé, c'était en tout cas qu'avait croisé d'autres d'entre vous, c'était une créature complètement inhumaine. Ah. Je l'ai vu de près. Hein. Ouais. Alors, moi, donc, soit elle est infectée, elle a un ami psychosisé, donc du coup, ça peut pas être lui directement. Vu que c'est arrivé en plein milieu de la ville, au milieu de sa prière. Donc, dans tous les cas, il y a un psychokinésiste. La thèse, le fait qu'en effet, le psychokinésiste est lui-même égorgé à Altair paraît peu probable. Ouais. Bon, oui, non, c'est vrai, j'avais pas la forme humaine du truc. En tout cas, pour revenir en. Oui. C'est quoi les. Enfin, ce qu'on connaît les capacités particulières de ces psychokinésistes? Parce que les phéromanciens, ils contrôlaient les insectes et les gens. Je suis presque tombé dedans d'ailleurs. Est-ce que ceux-là, ils ont des trucs spéciaux? Eh bien, de par ma connaissance. J'ai intellect légende. Eh bien, de ma connaissance, je n'en sais rien. Attends, intellect légende, ça me fait... Non mais réussis, parce que c'est intéressant, j'ai envie de savoir, moi. Mais t'as moi aussi, des choix. Mais il m'a pas dit la difficulté, d'ailleurs. Je te donne pas la difficulté, zéro. Oh non. Eh bien, j'ai fait deux réussites et un déclencheur. Oh. Sois gentil. Sois gentil. La moitié des compétences. Que les psychokinésistes, eux, jouent sur un terrain bien plus différent des autres. Ce qui les rend si compliqués à vaincre, c'est là où les phéromanciens s'exposent toutefois, par exemple, la faiblesse provoquée par le fait qu'ils ne soient entourés, mais qu'au moment où ils se retrouvent seuls, ils ne peuvent rien faire. Les phéromanciens, eux, contrôlent bien plus ce qui se passe autour d'eux. Et pourrait même, paraît-il, avoir des capacités dites de télékinésie. Maintenant, tu parles de phéromancien là. Oui, non, oui, bon. Pardon. Du coup, là, je reviens sur les psychokinésistes. Eux, à l'inverse. D'accord. Maintenant, clairement, télékinésie, ça veut tout et rien dire. À vous de démêler le vrai du faux. Oh, c'est quand même. Voilà. De ce que l'on sait sans avoir autant de connaissances, c'est que c'est ultra dangereux de toute façon. Et que en vrai, c'est pas le genre de truc où 4 péons dont un n'est pas armé. Hein, je vous rappelle, hein, je n'ai pas le droit d'utiliser d'armes. Pourrait faire face. Genre imagine on détruit le nid, il a une façon de le savoir très et bien. Il débarque là. Je pense et que puis, tout. J'ai... De toute façon, je rajouterai une dernière chose. Excusez-moi, mon ami Jacquard. C'est que de mes cours de latin que je me rappelle, psycho est allié au psyché, c'est-à-dire à l'esprit, et kinésie, ça veut dire tout ce qui est le déplacement des choses. Tu vois, mais qu'est-ce que le latin? Mais kinésie, c'est du grec. latin, grec, oh, c'est des langues mortes. C'est la même langue. Je vous rappelle qu'on est dans le futur, donc on peut dire le latin, le grec, l'allemand, le français, c'est des langues mortes. Ah non, je suis pas. Je suis là. Étant ça, médecin, je pense que même si nous sommes dans un futur très très lointain, le latin est toujours une langue associée à la médecine. Ah oui, associée. Oui, oui, c'est vrai que... Donc je pense pas que ça se perde autant que ça. Et c'est grâce à qui vous avez des ressources? Grâce à nous. Hein. Bon, j'arrête. C'est vrai, c'est vrai. J'avoue. Enfin, si Zana Baptiste n'oublierait pas à coup d'épée des endroits de culture, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. On s'en fout du grec. Je te redonne la main, Jacquard. Je suis désolé d'avoir coupé. Arrêtons le hors sujet. Je voulais juste dire que du coup, je crois qu'on avait tous des. Enfin, ça... Arrêtons de tergiverser. On a compris que. Personne ne voulait détruire ce nid, alors continuons la chasse. Bah si, il y a Mokosh qui voulait détruire le nid, c'est la seule. Ah, excusez-moi. Oui, en fait on est deux. Personne ne voulait. Non, bah, très bien, je vote contre la destruction. Ah, et eh bien voilà, nous allons y aller. Très bien. Vous décidez de repartir. Pourquoi je suis toujours dans la minorité ? Il faudrait, par contre, est-ce qu'on a des points de repère à faire pour pouvoir préciser aux anabaptistes la localisation ? Décider de faire des points de repère, j'imagine, dans le tronc des arbres aux alentours. Mm-hmm. Ça peut être une bonne chose, parce que si on leur dit juste « Ouais, c'est quelque part dans la forêt », bon, voilà. Quoi. Elle a un couteau dans la main, donc elle peut s'en servir. Je vais faire des tatouages sur les arbres. Puis vous poursuivez la piste laissée par Fernex. Ouais. Quelques... Entreprise de poulet. Demi-heure plus tard, qui sait combien de temps a passé depuis que vous êtes parti. Vous commencez à y voir de moins en moins. Vous commencez à sentir les gouttes d'eau tomber de plus en plus vite. Et s'abattre autour de vous. Vous les entendez résonner et s'écrouler contre les feuilles des arbres. Les feuilles des arbres qui semblent assez étranges, notamment celles juste devant vous. C'est comme si une tête s'y trouvait et vous observait. En effet, à quelques mètres de distance, vous distinguez nettement la tête d'un animal posée entre deux branches. On dirait un cerf. Pas ça, vous approchez. Et en brandissant une torche pour vous éclairer et distinguer quelque chose mieux, vous apercevez le corps de l'animal qui pend comme ça, accroché justement aux branches, les tripes complètement à sang, et d'étranges points noirs collés contre sa peau. Ils font la taille d'une paume et semblent être hérissés de quelques petites ailes. L'une des sangsues se détache et se retourne dans votre direction. Oh. Pour la taille d'une paume. Visiblement, elle a trouvé du sang bien frais. Là. Et bien plus intéressant pour elle. Je petit prends mon dilacérateur. Et commence à vous rejoindre. Mettez le feu dessus. Je prends mon dilacérateur à l'envers et j'ai une pointe. Et si elle approche de trop, je la... Ok. Moi, je n'ai rien à craindre. Ça avance vite ou pas vite? C'est j'avance doucement, la c'est sensu. Tu avances péniblement. Elle arrive à peu près à ton niveau et tu l'éclates avec ton dilacérateur. Tu relèves la tête. Tu remarques d'ailleurs que le mollusque commence à s'agiter un peu plus. Malheureusement, approche-le de l'animal. Il s'agit maintenant d'une vingtaine de sangsues qui commencent à fondre dans votre direction. Ici, on reculait, même si je ne risque rien. Je vais chacun vous demander un jet de psyché-réactivité, avec une difficulté de 8. Et malheureusement, non, malgré l'agilité percible de Flux, la nuée commence à s'abattre sur vous. Des fourrés d'autres sangsues commencent à sortir et vous tombent dessus. Torik, me semble-t-il que ta tenue est hermétique. J'ai une combinaison. Peux-tu montrer la valeur écrite entre parenthèses à côté? Alors attends. Alors, est-ce que ma tenue est différente ou pas de celle que j'avais au début? Est-ce que j'ai changé de tenue ou elle est mieux c'est ou pas? C'est la même. Elle est bien hermétique 4S. Ce qui 4S, veut dire ça. De 4 succès automatiques. Tu es donc le seul à réussir ce jet. Ah oui, donc j'ai les deux, deux succès plus les 4 quatre... à chaque coup. Oh putain, ça fait 6. Vous autres, vous sentez ces créatures commencer à s'accoler à vous. Je vais vous demander désormais un second jet avec cette fois-ci une difficulté de 5. Ah putain, tu veux dire le truc avec 100% de réussite que j'aurais pu réussir? Est-ce que je peux aider? Parce que moi je ne suis pas impacté, est-ce que je peux aider les autres? Non, casse-toi. C'était pas dans ta nature. Mais qui a fait que réussir? Tu peux être donné jusqu'à 2 dés à un autre joueur, mais tu ne les jetteras pas. Je jette pas les dés, mais je peux les donner. Non, tu jetteras 2 dés de moi et tu donnes 2 dés à un autre joueur. En effet, étant donné que Toric peut plus se consacrer à l'aide des autres, ça me paraît pas incohérent. J'ai que 4 dés, Toric. Moi non plus, moi aussi j'ai que 4 dés, Toric. Non mais en vrai, donne à moi ce que j'ai plus de chances que je réussisse en ayant plus de dés que eux avec 5 dés pour faire 100% de réussite. Voilà, c'est juste des mathématiques en train de faire un truc. Écoute. Mais hey, fais des probabilités avec 5 dés avoir 100% de réussite et avec 6 dés d'en avoir juste 90%. Moi je suis sympa, Toric. Agressé de part en part par des sensuels volantes. Toric. Donne le jeu à début. Vous continuez de vous débattre. Qui a raté son jet? Nous avons donc Mokosh. Tout le monde, sauf moi, encore une fois. Vous êtes pris de part en part, vous commencez à vous débattre, vous agitez vos armes dans tous les sens. Oh, j'ai pas d'armes. Vous sentez la nuée commencer à diminuer. Certains d'entre vous arrivent à toucher plusieurs des ennemis au vol. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que moi, ma... Parce que moi, j'ai pas d'armes, donc je veux dire, ça va pas être très utile d'essayer de toucher quelqu'un avec des armes. Par contre, j'ai un dégât de zone. Est-ce que c'est possible de les faire reculer, tu sais, avec le dégât de zone, vu que c'est une onde? Très bien, et ben dans ce cas-là, je vais te demander, si tu souhaites effectuer une attaque de zone, un jet... Alors, c'est intellect. Pour qu'ils volent. Engineering plus psyché domination. Ok, on est d'accord que c'est possible que ça les fasse voler, vu que c'est des petits trucs que ça les... Enfin, pas voler sur 20 mètres, mais qu'au moins oui, ça les... Elles sont très petites, et bien simplement, voici une image. Tu lui distingueras bien mieux la forme, sachant que pour rappel, elles font à peu près la taille d'une paume. Oh, c'est dégueulasse. Tu peux parfaitement les envoyer valser. D'accord, donc... non, ça, en fait, j'y ai pensé depuis tout à l'heure, et comme tu rends des cartes, on galère avec des armes. Je me dis que c'est... Si tu possèdes une attaque de zone, tu pourrais balayer un bon arc de cercle de tenir. Il s'agit là de 45 degrés d'angle d'attaque. Ouais. Ça fait vachement donc... bouche bouffie. Il fallait un focus, faut pas mettre ça dans ta bouche, ça va pas générique. T'aider. Mokosh, il faut pas mettre ça dans ta bouche, ça va pas t'aider. Tout va bien se passer. Et pardon, c'est quoi le deuxième G, s'il te plaît? J'ai oublié le... Alors, le premier, c'est Intellect Engineering, puis Psyché. Ça, c'est bon. Pour la portée de ta voix. Bon, bah ça va, parce que je vise à... On va peut-être l'entendre. Donc déjà, est-ce que tu as réussi à activer ton... Est-ce que tu as réussi à activer ton... mince, ton vocodeur? Avec le test, j'ai fait 4 réussites, donc je pense que... Okay. Combien de déclencheurs? Aucun. C'est pour ça que j'étais en train de faire le... Parce que comme ça se cumule normalement. Je regardais. Très joli. Attention. Flux va parler. Oh non, pas particulièrement, j'ai juste faire juste un bruit de bouche pour que ça vole quoi. Bah, attends, t'aurais pu faire. Vous commencez à vous débattre, vous retirez, vous essayez d'arracher certaines des sensus sans y arriver. Malheureusement, moi j'ai de Mokosh, moi. Trop de bruissements autour de vous pour que vous puissiez vous y concentrer. À ce moment-là, vous voyez Efflux commencer à brancher son vocalisateur, définir un arc de cercle safe où aucun d'entre vous ne se trouve et crier. Ah. Voilà. Un râle commence à envoyer valser la plupart de ces créatures, qui soit tombent au sol, soit prennent la fuite. Malheureusement, les quelques dernières commencent à continuer à s'en prendre à vous. Refaites-moi un jet, avec cette fois-ci il y en a des 2. 2. Oh putain, je vais pouvoir réussir! Enfin! Mais non, moi j'ai pas besoin de lancer en fait. Pardon? Oui. Tu n'as pas besoin de jeter les dés, tu peux donner un bonus de 2 dés à n'importe qui d'autre. Et bien justement, on va pouvoir y venir. Tout le monde réussit le dernier avec brio, parfait. Ouf. Deux fois. Oui, au jet de juste avant, j'ai donné mon... Une fois la nuée dispersée, vous entendez les dernières sensus s'éloigner au loin. Vous êtes là, jugé par le corps du cerf toujours suspendu à son arbre. Et vous faites l'état des dégâts. Tourix en est sorti sans une seule blessure. Tandis que... Ça cache quelque chose, il est des leurs. Ont été moins chanceux. Bokoche, justement, possède 3 sensus accrochés à différentes parties de son corps. Tu les sens qui te mordent, qui t'arrachent de la peau et qui pompent le sang à l'intérieur. Fluk et ses Jacquard, vous possédez également chacun 2 sensus. Que décidez-vous de faire? Eh bah, on a un hospitalier pour nous aider, il sait faire ça normalement, non? Je peux faire ça, oui, je peux vous soigner. Tout à fait. Tu feras attention, Jacquard. Je pense que tu souffles un peu trop devant nos visages. Il est comme ça avec ses sensus, tu sais. J'ai l'impression que tu me souffles dans le nez, là. C'est les sensus qui l'ont rendu fou. Du coup, je soigne tout le monde. Je fais un soin de groupe. Eh, hey, mais attends. Alors, comment tu me soignes? De ton côté, Torik, tu sais qu'il n'existe que 2 moyens de contrer ce genre de truc. Enfin, les 2 seules choses imaginables. Soit vous attendez qu'elles se nourrissent et vous les laissez tomber. Elles ne devraient pas pomper trop de sang, mais il existe un risque d'infection. Soit vous les arrachez. Ça a des dents. Ah mais moi après je vous demande, est-ce que vous voulez que je vous arrache tout ça ou arrache. Bon corps ne doit pas avoir d'affection. Comment est-ce que pour te mordre à toi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas parce que j'ai quand même des bonnes. C'est très facile en passant à travers les drapés des vêtements et en passant sous le corps. Je ne comprends pas. Du coup, moi je peux arracher, pas de soucis. Hein. D'ailleurs, tu peux parfaitement les arracher toi-même, Flux, si tu le souhaites. Le plus rapidement. Bah oui, il n'y a pas besoin de le faire en final. En fait, je peux leur dire juste ce qu'ils peuvent faire. En fait. Je leur dis ce qu'ils peuvent faire. Vous pouvez soit les arracher ou les laisser faire, mais après, il peut y avoir des risques d'infection. Vous sentez Flux s'agiter légèrement en passant sa main sous son t-shirt. Enfin, sous sa cape. Flux, tu vas me retirer 2 blessures superficielles et je vais d'ailleurs le faire immédiatement sur ta fiche de personnage. Oui, parce que elle est toujours pas interactive la nôtre. D'ailleurs, certains auront peut-être remarqué que vous avez perdu le Lego. En effet, vous n'avez pas dormi et la fatigue commence à se faire sentir. Il me reste 4 Lego. Ouh. Il me reste 5 PV, c'est ça? C'est ça. Enfin, dans 3 PV, tu passes en blessure traumatisme. Eh, parce que je suis à 5 sur 8, c'est ça? Et malheureusement, elles ont visiblement été attirées par le sang découlant des blessures de tes précédentes attaques. Oui, oui, on n'a pas eu trop de temps de se reposer ces derniers jours. Pas grave. Bah, moi, pareil, je vais les arracher. Ok. Vous faites bien. Ne laissez pas vos corps être infectés par des choses sales. Moi, je suis une personne délicate et je vais demander à Torik de les retirer. Retirez-moi. Très bien. Jacquard, tu souhaites également les retirer et tu subiras donc 2 blessures superficielles. De ton côté, ça ne te fait ni chaud ni froid. Tu as à peine l'impression d'avoir été effleuré. Tandis que Mokoche... Oui, je vais les arracher aussi en vrai. De ton côté, tu sens que tu commences à faiblir. Également, le combat contre les Gendos ne t'a pas fait du bien. Je m'en Alors, peut-être, Doric, souhaiteras-tu soigner et tenter de procurer les premiers soins à tes compagnons. Exactement. Ça, par contre, c'est dans ton domaine de compétence. Ça vous fera perdre, sans par contre, un peu de temps. Oui, mais bon, il vaut mieux. Hein. Il vaut mieux. Okay. On est dans un climat humide. Il pleut. En vrai, occupe-toi de Mokosh, je pense que... Enfin, peut-être qu'il me contredira. Mais je pense que moi et le juge, on peut s'en sortir pour le moment. Eh bien, de ton côté, tu as 3 points de vie d'être en traumatisme, donc c'est à toi d'en décider. Bah, je pense que c'est pas le plus urgent. Après, j'espère ne pas tomber sur des choses graves comme la psychokinésis. Après, mais, après, ça prendrait combien de temps si je soignais tout le monde? Combien de temps on perdrait? Ça dépend du nombre de déclencheurs que tu fais. Sachant que pour rappel, tu soignes de 1 point de vie plus 1 par déclencheur. En blessure superficielle. Je pense. Alors, je vais commencer par soigner Mokosh et je verrai par la suite. Moi, ce que je propose, c'est que pendant ce temps-là, le juge et moi, on s'occupe de regarder un peu cette histoire-là avec le cerf qui est mort. Regarder un peu. D'accord. Je vous laisse regarder la scène et pendant ce temps-là, je m'occupe de Mokosh. Donc fais-moi un jet d'intelligence médecine avec une difficulté de 2, Torix, s'il te plaît. Ok, je vais avoir 8 dés. J'espère que vous n'allez pas me faire flancher les 8 dés. Hein. Tenez, prenez en priorité. Mokosh. J'ai dit parce que. Parce que moi et Jacquard, on s'occupe de regarder la scène. Enfin, s'il est d'accord, mais comme il a rien dit, je suppose qu'il est d'accord. Oui, c'est ça. Oui. Eh bien, je fais. Donc sur 8 dés, je fais 3 réussites. C'est horrible. Et combien de déclencheurs? 0. Eh bien, tu soignes de 1 point, Mokosh. Il me fait un petit massage. Au bout de 10-15 minutes, ça va aller. Vous observez légèrement les alentours. Faites-moi chacun un jet d'intelligence, d'instinct perception avec une difficulté de 3. Ok, c'est faisable. Avec une difficulté de 3. Allez. Ouh, j'ai eu tellement peur. Ok, c'est bon. Non, ça passe pas. J'ai une mais non, mais toi tu soignes. Oui. Ah, c'est pas moi. Ok. Tu soignes. Je perceptionne en même temps, moi. Mais tu m'étonnes que tu la soignes mal si en même temps tu regardes à côté. Ouais, parce qu'en fait, je me suis tourné en même temps. Tu fais quoi? Il est avec son scalpel, là, il tourne, il fait crac. Oh merde. Putain, merde. Parfait. On est vous observez assez nettement, vous deux, au loin, en tout cas, en y prêtant l'œil, quelques éclats lumineux qui semblent perler à travers le feuillage. Toutefois, ces derniers ne semblent pas être les reflets qui pourraient être issus, par exemple, de la réflexion de la lumière sur des gouttes d'eau, ni quoi que ce soit. C'est bien plus imposant et ça semble tourner légèrement sur place. Cela vous dit franchement quelque chose, mais vous ne sauriez dire quoi. Juge, est-ce qu'on avance? Est-ce oui. Que Torik, tu souhaites soigner quelqu'un d'autre en attendant? Ah bah ça va être difficile si on avance. Oui, je, en attendant que vous décidiez, justement. Bah moi, après, je peux essayer de voir... Oui. Je peux essayer de voir de soigner... je crois que c'était... Flux qui avait... Proposer Flux, il y a un problème d'espace-temps parce que si nous on décide d'avancer. Non, là je pars du principe que vous êtes en train de vous allez leur mettre en commun et je proposais en attendant, ou en tout cas avant que vous partiez, est-ce que vous souhaitiez soigner quelqu'un d'autre? Bah, moi c'est j'en faisais les soins. Pendant que nous on Non, ça ira. Et puis moi, je suis parti dans l'urgence. Hein, je veux dire. Oui, moi, dans l'idée, c'était pendant que lui soigne, nous, on observait. Et comme on voit un éclat, bah, on fait bon, bah, les gars, il y a un truc, on avance, on est genre à 20 mètres devant, quoi. Donc il s'agit là de votre nouvelle priorité, que souhaitez-vous faire? Allez voir. Oui. On avance doucement et on y va sans nos gardes. Approchez-vous, sans jambes et distingués. Troncs qui sont tombés, sans doute dû à une tempête précédente. Vous sortez complètement du sentier pour finalement arriver jusqu'à, au bout de 5-10 minutes, ces petits miroirs accrochés. Ils sont semblables à ceux que vous avez donné les chasseuses en collier. Oh. Ils appartenaient à Fernex et un autre exemplaire est là, accroché à la branche d'un arbre. Je le prends. Tu le prends. Au moment où tu poses ta main dessus, tu entends un psst. Stop. Juste à côté. Tu y reconnais la voix rocailleuse de Fernex. En jetant un coup d'œil en direction de la voix, tu lui aperçois qu'au niveau de l'arbre situé juste à côté, il semble avoir été creusé une sorte de cache. Mm-hmm. Bah je m'y approche. Tu t'y approches. C'est ça de s'en rendre compte ? Tu es rejoint par les autres. Oui, c'est bien ce qui me semble. Mais ok. Tu vois qu'en effet un trou a été creusé. Et tu distingues la silhouette de l'homme, armé de son fusil, qui te fait signe avec le doigt de ne faire aucun bruit. Qu'est-ce qui se passe ? Non. Il vous invite à descendre. Je descends. Signe de la main. Vous je descends doucement. Vous voyez que visiblement, cette espèce de mini-espace a été creusé sous l'arbre. Cela doit dater d'il bien plus qu'il y a quelques jours. Pardon. Cela a sans doute pris plusieurs semaines avant d'avoir quelque chose de ce niveau-là. Car même l'espace pouvant contenir seulement 5 personnes est toutefois pour un seul homme demande un certain travail. Il vous fait continuellement ce signe de la main, vous indiquant de ne faire aucun bruit, et invite l'un d'entre vous, le premier qui souhaitera se désigner, à jeter un coup d'œil à la lunette de son fusil. Qui pointe de loin en direction de la forêt. Bah, je vais regarder. Jacquard ? Ouais. Très bien. Jacquard, tu t'approches de la lunette. Et en collant ton œil, tu aperçois au loin une zone de la forêt. Un peu plus marécageuse, visiblement, que celle où vous trouvez actuellement. Et quelque chose semble bouger, quelque chose qui se détache du décor. Puis tout devient clair, tu y vois cette espèce de grosse silhouette qui doit être à 300-400 mètres de vous, tout au plus. Elle fait plusieurs mètres de haut, est extrêmement volumineuse et encapuchonnée. Elle semble tirer le cadavre d'un cerf, elle y a planté ses énormes mains. Tu vois du sang couler au loin. Quand tout à coup, cette dernière se retourne dans ta direction. Pour rappel, elle est à plusieurs centaines de mètres et elle semble te fixer comme si elle-même pouvait t'apercevoir au travers de la lunette. Elle lâche le corps et commence à se diriger dans ta direction. Que faites-vous ? Mais nous, on sait rien pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Vous ne savez rien. C'est à Jacquard de décider. Moi, je joue aux cartes. C'est vrai. Jacquard ? Pardon, je suis obligé que... Elle arrive ! Elle s'est retournée ! À ce moment-là, Fernex te pousse sur le côté, il jette lui-même un coup d'œil et se relève. Vous voyez également... l'espèce de petit carillon de miroir qui était accroché au plafond, à la branche, qui se met à s'agiter de plus en plus, comme si une force magnétique le faisait tourner sur lui-même. Que faites-vous ? Vous êtes actuellement tout secours. Je regarde déjà mon dilacérateur, comment qu'il est ? Tu vois qu'il commence à s'agiter de plus en plus. Mais qu'est-ce que t'as vu, Jacquard ? Qu'est-ce que t'as vu ? C'était quoi ? Vous n'avez que quelques secondes pour vous décider. Moi, je dirais qu'il faut se retirer. Il faut se retirer, quoi. Il faut... Moi, je veux voir déjà comment il réagit, lui, le chasseur. Okay, justement, au mot de Tori, ce dernier t'attrape par le col. Ouais. Non, surtout pas. On ne s'enfuit pas devant un incarné, ok ? Il faut nous faire discret. Il va nous perdre. Juste... Calmez-vous, d'accord ? Ils ont une très mauvaise ouïe et un très mauvais odorat. Mais si on commence à courir et à paniquer, il sentira votre circulation sanguine s'accélérer. Tout ce qu'on va faire, c'est rester ici, calmement. À ce moment-là, vous le voyez qui s'allonge au sol. Péniblement, l'espace est étroit. Et ferme les yeux. Comme s'il feignait la mort devant vous. Je vais me caser dans un coin et faire pareil, quoi. Oui, pareil. Je fais la même chose que lui, parce qu'il a l'air d'être au courant de ce qu'il faut faire. En effet, il a l'air étonnamment au courant, alors que toi-même, Tori, qui a pourtant étudié hospital, n'en sait pas plus que ça à propos de cette créature. Les secondes s'intensifient. Vous êtes là, vous fermez les yeux. On n'entend même pas le moindre d'entre vous respirer. Au bout de quelques minutes, des bruits de pas commencent à se faire entendre à proximité. Vous entendez des branches craquer sous de lourds pas saillants. Vous entendez également une grande et forte respiration. Si l'un d'entre vous tente d'entrouvrir un œil, il n'aperçoit malheureusement rien, à part, à travers un léger trou, une grande jambe épaisse qui semble pourrir sur elle-même. Et petit à petit, cette odeur commence à prendre vos narines, tandis que la créature s'éloigne et que le carillon semble s'intensifier, puis diminuer petit à petit. Si d'autres tentent également d'ouvrir les yeux, ils aperçoivent Fernex continuer de feindre la mort. Et c'est peut-être durant une heure entière que vous allez rester là, allongé. Le temps de laisser la créature s'en aller et vous perdre. Au bout d'un moment, vous commencez petit à petit à vous éveiller. Certains sont plus que les autres conscients du danger qu'il vient de vous guetter. Écoutez. Je sais pas depuis combien de temps elle est là, mais il faut prévenir le village. Elle élève une armée. Et si on la laisse faire, Lucatore va pourrir. Et sera submergé par rapport à... ce qui va lui tomber dessus, personne n'est préparé à ça. Vous devez vous rendre en ville. C'était déjà les plans après. On a du mal qui a rongé Attila, si seulement j'avais pu le voir plus tôt. Mon pauvre compagnon n'aurait pas ainsi péri. Mais comment êtes-vous au courant de tout ça? Dire, même moi, l'hôpital, enfin... je n'ai jamais eu vent de toutes ces informations. Sous couvert de mon poste de chasseur, je me suis spécialisé très jeune dans la chasse de ces créatures. Voyez-vous, mon père lui-même est décédé des mains de l'une d'entre elles. Et depuis ce jour, je me suis focalisé dans leur traque et dans leur chasse. Mais les psychokinésistes ont quelque chose de différent. Et je dois avouer que je ne suis pas prêt à affronter ni même à tuer l'une d'entre elles. En tout cas, pas seul. Nous n'avons aucune chance face à elle. Comment les abattre ? Elle semble émettre une espèce de force d'attraction et de magnétisme étrange que je ne saurais décrire. Je n'ai pas les connaissances nécessaires pour vous en dire plus, désolé. Et comment les abattre ? En tapant dessus, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire, en effet, les seuls que j'ai pu abattre au cours de ma triste carrière, cela sans doute était d'une balle dans le dos, pressée, suivie d'un assaut mené par plusieurs hommes. Je n'ai jamais connu un seul combat sans qu'au moins l'un d'entre eux n'y trouve la mort. Et voyez-vous, durant toute ma carrière, il n'y a que deux types d'extase que je n'ai pas affronté, celle venant des Brispani et la plus récente apparue en Purgare. Il y a quelques dizaines d'années. Ces deux sont particulièrement redoutables, paraît-il. Dans tous les cas, si jamais tous les soldats s'y mettent, nous pourrons peut-être tenter de faire face à la créature. Je ne sais pas de quelle taille fait sa nuée. Et malheureusement, il me paraît compliqué d'en définir. J'imagine qu'elle doit avoir plusieurs chambres d'éclosion à peu près partout dans la forêt. sommes tombés sur un nid, entre guillemets. Un nid. Tout à l'heure, on avait prévenu, enfin on avait prévu, après vous avoir trouvé. Une dizaine de mètres pour les plus gros, mais ces derniers doivent être relativement planqués. Dans tous les cas, nous n'avons pas une minute à perdre, vous devez vous rendre en ville le plus tôt possible et prévenir les plus grandes instances. Si jamais elle attaque et que les soldats ne sont préparés, eh bien je dirais que tout le monde pourrait y trouver la mort. Écoutez, je vais essayer de mon côté de rentrer en contact avec mes camarades hospitaliers pour voir s'ils peuvent être d'une aide, apporter leur aide dans ce, très bien. De combat. Elle est relativement proche de la ville, je trouve. Je ne sais pas combien de temps nous avons devant nous, mais il faut nous dépêcher. Oui, bah allons-y. Maintenant, une question toutefois me taraude. Ces créatures ont pour habitude de rester cachées et... Le fait de s'en prendre à une ville comme ça, ça n'a pas de sens, elles ne font pas ça d'habitude, enfin, je n'ai jamais connu concrètement. Éventuellement, ça leur arrive de s'en prendre à des petits villages ou autres, mais rien de l'envergure de Lucatoré, par exemple. J'aimerais savoir si cela a un lien avec le récent décès d'Altaïr. C'est une hypothèse, bon, on n'a aucune preuve. On pourra en discuter en rentrant, Justement. Je discuterai entre vous de mon côté, je vais rester ici. Justement. J'essaie de la retenir tant que je peux. Quelle preuve pourrions-nous fournir aux instances qui dirigent Lucatoré, car vous savez autant que nous que le contexte politique fait que certaines factions ou certaines parties ne pourraient avoir intérêt. Et récents événements. Je ne sais pas si cela peut trouver un certain lien avec les prophéties annoncées par les flagellants, mais pensez à la mort d'Attila, rappelez-leur les dernières disparitions. J'espère que la voix d'hospitalier pourra les aider. Dites-leur que je me range de votre côté, et si vous le souhaitez... Puis on a Mokosh quand même. Mokosh est là aussi. C'est... Oui, c'est ce que je veux dire, on a un aide-baptiste. Vous pouvez leur apporter mes colliers... Je vois que mes compagnons vous les ont offerts comme gage de ma bonne parole. Et qu'en est... confiance plus qu'à vous. Et qu'en est-il de comment dire Dans tous les cas, si vous nous trahir votre position, vous devez juste éveiller un sursaut de panique au sein de la ville, que les gens se mettent à la quitter et tirez-vous également. Devons-nous révéler si votre barres, si vous avez la vérité en face, alors elle m'aura attalé son destin. Oui. Pouvons-nous révéler votre réelle occupation ou bien devons-nous toujours oui, la terre ? Dans tous les cas, je ne suis même pas sûr de pouvoir rentrer un jour de cette forêt maudite. Ok. Écoutez, on y va. Enfin, je dis aux autres d'y aller. Donc, le but de Fernex, là, c'est de ralentir la bestiole. De faire fuir tout le monde. Oui, mais là, c'est du temps en fait. Pour... Alors, il faut qu'on prévienne les instances supérieures et qu'on fousse le sbeul dans la ville pour que tout le monde fuit. Les gens qui se battent en gros, pas. En gros, il nous donne du temps pour fuir en fait. Pour faire fuir les gens et la ville. Je vais nous rajouter encore plus de temps et je vais passer mon piège à ours à Fernex. C'est gentil. Pour lui servir. Ok. Élevage de poulet. Je vois qu'il le prend avec une certaine gratitude. Je vais le retirer. Il te glisse également quelques mots à l'oreille assez rapidement. Si jamais je venais à ne pas revenir, que vous retrouviez ma dépouille. Servez-vous, écoutez. Vous me semblez être des gens bien. Je préfère que mon équipement ou celui contenu dans ma cabane serve à sauver des vies innocentes par le futur ou à éliminer d'autres de ces créatures si jamais je ne serais plus là pour le faire moi-même. Bon courage. Et sur ces mots, il vous laisse. Ok. Bah du coup, pendant qu'on rentre, qu'on retourne sur nos pas, moi j'en profite pour expliquer un peu et dire surtout à Eflux qui pourrait être intéressant de mettre en relation, de se mettre en relation avec ses supérieurs probablement qui sont déjà sur à la justicienne et que par la même occasion ils préviennent l'hôpital pour leur dire qu'une grande menace pèse dans le Purgar, ça c'est au Purgar, en Purgar, oui, non, on part en Purgarie, et que ça serait peut-être bien de dépêcher des troupes. Tu sais pas si vous aurez ce temps là devant vous. Si la nuit est bel et bien avancée, tu sais que vous aurez sans doute peut-être une semaine tout au plus. Peut-être quelques jours. Au moins qu'ils soient préparés, parce que si jamais elles se déplacent, au moins ils seront déjà au fait de ce qui se passe ici, quoi. Dans ce cas-là, dans cette optique, tu sais qu'éventuellement, le plus utile serait sans doute de dépêcher un contingent au niveau des Helvétiques, qui vivent toujours reclus dans les montagnes. Ils ne sont qu'à quelques jours de marche et pourraient arriver sans trop de problèmes au niveau de la ville. Il y a l'infirmerie de Fibaco qui se trouve pas très loin à l'ouest. Est-ce que les anabaptistes laisseraient ainsi les Helvétiques venir sur leur territoire? Est-ce que les anabaptistes laisseraient les Helvétiques venir ainsi sur leur territoire? Ils sont pas en guerre, donc il n'y aurait pas de raison, mais en effet, si jamais les derniers s'y opposent, ils pourraient considérer ça comme une déclaration de guerre, par exemple. Il faudrait essayer de faire ça avec une certaine... Ouais, mais après, si on leur laisse entendre que c'est pour sauver la population... Ouais. Enfin, genre, c'est surtout que tu fais « Ouais, bon, bah, vous intervenez, ou sinon, il y a le gros truc qui va venir jusqu'à chez vous, quoi. » C'est ça, hein. Et moi, en même temps, je pendant qu'on rentre, j'irai... est-ce qu'on passe à côté du camp hospitalier qui est à côté? Excuse-moi, Dieu, oui. Monsieur Dieu? Oui. Est-ce qu'on passe à côté du camp hospitalier ou à... Alors non, celui-ci est à l'est, et pour l'instant, vous vous trouvez dans la forêt à l'ouest. Ok, bah du coup, je ferai dépêcher une fois qu'on est rentré pour qu'on informe le camp d'hôpital de ce qui se trame à l'ouest. Donc s'ils peuvent venir aider. On aura besoin de tout le monde, si j'ai bien compris. Et s'il y a des blessés, au moins ils peuvent aider les blessés et faire les premiers soins. Ce sera d'utilité, quoi. Voilà. Voilà, j'ai dit ce que j'avais dit. Très bien. Vous repartez donc dans la direction opposée de celle où vous étiez arrivé. Je vais y repasser le voyage de retour. Vous repassez devant la silhouette du cerf, dont le sang continue de couler de sa carcasse. Vous enjambez les restes des sangsues au sol. Et vous tentez de retrouver le chemin. Sans trop de soucis, vous n'avez fait ce trajet qu'à l'aller. Vous pouvez vous rediriger en direction de la ville. Malgré tout, plus le temps passe et plus les traces que vous aviez suivies à l'aller semblent s'être effacées, peut-être sous la pluie. Et vous n'êtes pas exactement sûr de prendre la même direction. Jusqu'au moment où peut-être vous vous êtes rendu trop à l'est ou peut-être trop au nord de la forêt, en tout cas une zone que vous semblez peu connaître, mais qui, sans doute, n'est pas loin de la ville, vous semblez entendre le bruit d'un coup de feu résonner au loin. Peut-être à 10-15 minutes de vous environ. Suivi d'un autre. Et encore un autre. Que faites-vous ? Visiblement, l'endroit semble être trop près pour que celui-ci puisse être provenir de la ville, mais quelque chose semble se passer dans la forêt. Je précise également que vous avez quitté Fernax depuis bien trop longtemps pour que cela puisse venir de lui. Souhaitez-vous vous y intéresser ou souhaitez-vous poursuivre votre mission en priorité ? Oui, allons-y totalement. Ok. Enfin, je dis ça pour ma personne, je sais pas ce que... Vous vous rapprochez, j'imagine, avec une certaine discrétion de ces derniers qui semble s'estomper petit à petit. Lorsque, en contournant légèrement l'espace, vous distinguez la silhouette du cloître de Lucatoré se dessiner au loin. Mais vraiment au loin, il est peut-être à une heure de vous. Les coups de feu, eux, semblent provenir d'une zone bien plus proche. Vous vous s'engouffrez entre quelques arbres et distinguez quelque chose de somme toute étrange. Un camp semble avoir été monté en plein milieu de la forêt, en bordure de la petite colline slash montagne qui entoure la ville. Apocalyptique ? C'est ce que tu penses aux premiers abords. Tu y distingues d'ailleurs un cheval attaché vers l'entrée, mais les silhouettes qui y sont agglutinées ressemblent plus à des clanistes. Mais pas ceux que vous aviez l'habitude de croiser en Borka. Ces derniers semblent bien plus habillés et civilisés. Je vais chacun vous demander de faire un jet d'intellect plus légende avec une difficulté de 3. Et de 2 pour Mokosh. Enfin, Mokosh a le droit, pardon, à un dé supplémentaire étant donné qu'elle vient d'ici. Un dé supplémentaire ? Oui. Ça serait habillé. Ça serait pas marché. De ton côté, le chroniqueur, tu reconnais exactement de qui il s'agit. Ce sont des Romanos. Un clan venant tout droit du sud de la Purgarée. Des voyous, en somme. Des espèces de bandits, mais qui ont tendance à agir dans une certaine légalité constante. Qui apprécient le luxe et notamment le charme que leur procurent les néolibiens lorsqu'ils partagent avec eux. Ils n'ont aucun scrupule, notamment à leur vente des esclaves. Et visiblement, ces derniers ont creusé des trous, tout autour du camp. Comme s'ils cherchaient quelque chose. Et au milieu de ce camp, plusieurs silhouettes sont réunies. Ce qui semble être quelques hommes de main autour d'un homme. Un Africain allongé au sol, troué de part en part, son sang coule dans l'herbe. Un Africain ? Vous n'avez jamais vu cet homme ? Oui, on nous a parlé d'un Africain à Lucadori. Mmh. Bah, du coup, on fait qu'on s'approche ou on... Il y a plusieurs silhouettes autour, dont l'une d'entre elles qui semble être le chef. Il possède une arme fumante à la main. Vous voyez cet homme avec le crâne légèrement dégarni. Vous distinguez sa dentition imparfaite et vous le voyez tous ses petits bibelots accrochés au niveau de ses vêtements. Et ce regard mauvais, mauvais et sadique. Est-ce que c'est Neva, l'émissaire de fer, qui vient de sortir de la tente et se trouve actuellement à ses côtés? Elle jette un bref coup d'œil à la silhouette allongée au sol, comme si elle ne l'avait jamais vue et que cette affaire ne la regardait pas. Avant de empoigner la main de celui qu'elle semble appeler Papa Chico, vous entendez sa voix portée par le vent. Vous arrivez, mais le stress de la discussion vous est malheureusement incompréhensible. Vous pourriez tenter de vous rapprocher de plus près pour entendre ce qu'ils sont en train de se dire. Chaud, discrètement, mais chaud. On voit qu'il n'est pas tout ciel. Et moi, un jet de discrétion dans ce cas-là. Donc, agility et stealth. Moi, je m'approche pas. Ok. Tu commences à te rapprocher. Discerne justement un certain dégoût au niveau du visage de Neva, comme si elle était ainsi forcée de conclure visiblement un marché avec cet homme, ce Papa Chico. Mais lorsque tu t'avances, tu remarques l'un des hommes de main, à quelques mètres de toi, la queue entre les mains en train de pisser contre un arbre. Son visage se retourne, complètement étonné de voir ici un juge en face de lui. Tu as quelques secondes pour réagir, qu'est-ce que tu fais ? Je vais semblant d'être très concentré, d'avoir la tête très... Enfin, je vais faire semblant de chier. De ? Regarde avec un... de chier. D'accord. C'est la panique, laissez-le faire. Tu vois, tu sais pas quoi faire. dans l'outil spécial. Ça doit être le coin pipi. Essayer de me faire fondre dans la masse. Tu le vois qui commence à remonter son pantalon et à saisir la lame qui se trouve au niveau de sa poche. Vous autres au loin, vous entendez un cri inconnu qui semble donner l'alerte. Aux armes ! À l'intrus ! Que faites-vous ? De ton côté, Jacquard, tu aperçois la silhouette de Neva d'un coup jeter un coup d'œil dans ta direction. Tu vois qu'elle semble distinguer ta silhouette au loin. Papa Chico également commence à s'approcher. Il te pointe du doigt et tu vois ces hommes commencer à courir dans votre direction. Vous savez actuellement où est le cloître, vous pouvez, si vous le souhaitez, tenter de courir dans cette direction ou de combattre. Vous voyez qu'il y a plusieurs hommes qui arrivent devant vous, constitués de deux vagues de trois. Que faites-vous ? D'autres sont peut-être également dans le camp. Je suis pas de l'eau. Ok. Vous entendez Papa Chico ricaner au loin. J'ai abattu l'un de mes ennemis aujourd'hui, je peux en faire de même avec vous. Et il commence à recharger l'arme à feu qu'il possède en main. Moi je suis pas contre, hein. Je rappelle que j'ai pas d'arme. Du coup je crie, est-ce que je peux crier quelque chose ? Vas-y, tu peux aussi crier. Attendez, nous ne sommes pas là pour nous battre. Disons que un danger bien plus grand menace ce territoire. Et je pense que nous aurons besoin de vous. Fais-moi un de charisme, charisma leadership avec une difficulté de 6. Pff, ouais, non, mais attends. Tu n'as que 4D, c'est dommage. Est-ce que je peux intervenir avec ma grosse voix en mode il a raison, ce qui donne un bonus Enfin, un bonus, ça va faire mieux. Alors, fais-moi un jet de psyché domination. Écoutez le paysan. Alors, c'est ça, c'est lui qui fait psyché domination, c'est pas moi. Oui, alors. Ah, c'est... Du coup, on va refaire dans l'autre sens. Enfin, du coup, donc, Tori commence à s'élancer, commence à essayer de convaincre les gens. Visiblement, sans aucun effet, ils sont là prêts à couper des gorges. Il est rejoint par le. Chroniqueur qui lui également élance la voix. Chroniqueur, ouais, une attaque mentale, un jet de psyché domination. Ça, c'est vrai, j'ai plein de dés. Même une difficulté de 6, je peux réussir. Donc, je sais pas combien il y a de difficultés. Alors, je connais pas encore. Alors, en fait, ça va être un jet d'opposition avec la santé mentale des Romano. J'en ai 250. Fais un jet de 250. Oh. Oh. J'ai 4 dés pour chaque homme. Voilà. Tant qu'il arrive à convaincre le boss, c'est bon. Ok. Parce que lui qui décide. Hein. Tu peux pas dire ça en direction du mettre plus en direction du boss. Alors le premier fait deux réussites dont un déclencheur, le deuxième fait deux réussites dont un déclencheur aussi, le troisième fait une réussite et le quatrième 15 réussites. Fait Il était pas si dur que ça. Il en reste encore deux. Il y en a un qui fait deux déclencheurs. Donc deux réussites et l'autre deux réussites sans déclencheur. Très bien, vas-y. Ouh. Ouais, mais moi je veux l'entendre, moi. Moi je veux l'entendre parler, effectivement. Toric, toi tu vois, tu t'élances et tu commences à essayer de faire ton petit discours, visiblement sans effet. Pourtant, les hommes commencent étonnamment à ralentir. Est-ce que tu aurais plus de charisme que tu ne le crois ? En réalité, non, il s'agit là de la silhouette du chroniqueur qui s'élance devant vous. Chroniqueur, à toi. Écoutez, un psychokinesis réside sur ces lieux. Vous mourrez tous, vous nous aiderez. Les hommes commencent à... Alors légèrement éberlués. Ils commencent à essayer de vous cerner légèrement. Ils attendent. Certains jettent quelques regards en arrière, en direction de leur chef qui s'approche. Doucement, l'arme en main. Elle est désormais chargée. Eh bien alors, qu'est-ce qui vous prend, mes amis ? Ah, il l'a dit. Un psychokinésis. Pendant ce temps-là, Neva, elle, se dirige en direction du cheval qui était accroché à l'entrée. Nous pouvons discuter, n'est-ce pas? Baissez vos armes. Et il ne vous sera fait aucun mal. Nous ne sommes pas là pour nous battre, je vous le redis. Très bien, très bien. Vous pouvez distinguer quelques sursauts de peur chez certains d'entre eux. Mais le papa Chico, lui, semble complètement indifférent face à ce qui se passe. Ah, je suppose que c'est pas le premier chroniqueur qui tombe. Ça marche moins. Hein. Il jette tout de même un regard en arrière en direction de Neva, qui acquiesce de la tête. Eh bien, je suis ravi que vous me rendiez cette petite visite, voyez-vous, vous me facilitez la tâche. Malheureusement pour vous, dit-il en pointant son arme, les dés étaient pipés depuis le début. Comment ça, les dés étaient pipés depuis le début? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tu n'as pas le temps de réagir, il appuie sur la gâchette et tire en direction de... 1 pour toi, 2 pour toi, 3 pour toi, 4 pour toi. C'est bien parce qu'on voit pas qui tu pointes. Oui. De Jacquard, le juge qui s'était présenté le premier jusqu'à... En train de chier. Jacquard, tu as le droit de me faire un ultime G de mobilité. Donc, reaction, mobility, reaction. Très heureusement, visiblement, par miracle, échec critique, il y a 3-1 et un seul succès. Au moment où Papa Chico appuie sur la détente de son arme, cette dernière lui explose entre les mains. Il est projeté en arrière. Ses hommes, pris par panique pour certains, commencent à dégainer et à se ruer sur vous. Tandis que l'un d'entre eux, visiblement complètement apeuré, celui qui avait fait un échec critique, par la prestation du chroniqueur, commence à prendre la fuite. Vous entendez également le cheval commencer à partir au galop en direction du cloître. Merci. Neva, l'émissaire de fer, vient visiblement de vous condamner. Que faites-vous? On va se défendre. Hein. Eh bien, dans ce cas-là, je pense qu'il est temps de faire un petit jet d'initiative. Le premier d'entre eux... Et ça tombe bien, parce que je pourrais les fatiguer. Un homme qui a l'air complètement fou furieux. Aussitôt l'arme saute, aussitôt il bondit en direction de Flux, qui était visiblement l'homme le plus proche de lui. Oui, forcément. Alors, j'espère que je ne vais pas regretter cette question. Mais qu'est-ce qu'il fait, le papa gâteau, là? L'arme vient de lui sauter entre les mains, donc pour l'instant, comme je dis, il a été projeté en arrière, il est tombé au sol. Il jouera pas. Il est hors combat. J'avais peur qu'il avait été oublié et qu'il allait être rajouté par ma question. Non, non. Le mec, il fout la merde. Non bah non, il a fait un échec critique sur son tir, donc malheureusement... Il a les mains brûlées un peu là, franchement... Dans l'idée, sans doute. Et puis ce visage, il est peut-être mort. Du coup, ce premier homme se saute en direction sur moi. De Flux et tente de lui asséner un coup avec un espèce de marteau qui vient juste de dégainer. Flux, est-ce que tu souhaites te défendre activement? Tout à fait, parce que j'ai deux actions. Très bien. Eh bien, tu vas pouvoir me faire une défense active, donc un jet de physique corps à corps. Ou alors, éventuellement, mobilité. Agility, mobility, si tu veux esquiver, étant donné que j'ai pas d'armes pour parer. 4 ou 2. Bah, je vais prendre 4, hein. Ok. Ça me semble... Je jette de mon côté 4 dés plus 3, étant donné qu'il a dépensé 3 points d'égo. Donc 7. Mais... Toi, tu peux... D'égo, c'est sûr. Bah du coup tu les mets sur ta défense facile et active. Ok, parce que c'est ma première action. Mon dieu. Il va sûrement me défoncer la gueule. Hein. Non, justement, malheureusement pour lui, il ne fait que 2 réussites dont un déclencheur. Oh. Sur 7D, c'est moins bon, même carrément moins bon. Mais oui. Oh putain, c'est bon, ça veut dire que j'arrive à contrer parce que j'ai fait 3 réussites et un déclencheur. En effet. Il essaie de jeter le coup de marteau. Et Flux, qui avait complètement vu le coup venir, s'échappe d'un côté. Seule sa cape virevolte dans le vent tandis que le coup passe juste à côté. L'homme continue donc sa poursuite en direction de Mokosh qui se trouve à nouveau juste en face de lui. De manière effrénée, il commence à beugler une espèce de cri tribal de bataille et tente également de t'asséner un coup. Cette fois-ci à 4D, Mokosh, est-ce que tu souhaites te défendre activement? Ça te coûtera une action. Sinon, il faudra qu'il fasse deux ou plus, pour réussir. Allez, je compte sur Jacquard pour être aussi dévastateur que Mokosh, donc je vais me défendre activement. Ok. Eh bien, tu as sans doute bien fait, car cette fois-ci, je fais 3 réussites sur 4 dés. Mais 0 déclencheur. Tu peux donc faire soit un jet de, ouais, de physique corps à corps, et si tu as des passifs en ego, tu peux les ajouter. Mais il a, elle a pas de la parade, tu sais, pour contrer si jamais elle est super balèze. Alors, la parade, ça marche si jamais tu fais 3 déclencheurs sur ta défense. Et dans ce cas-là, tu blesses l'attaquant. Corps à corps, c'est mêlé, ça. C'est ça. Ah, mais t'as pas mis le point d'ego, toi. Non. Donc oui, là, c'est... Non, c'est bon, va, en mêlée. C'est bon, je suis pas mal en mêlée, normalement. Oui, bah c'est Mokosh, quoi. Alors, si Mokosh est nul en mêlée... 4 réussites, dont un déclencheur. 4 réussites. Dont un déclencheur. Ce n'est pas suffisant pour préparer une riposte, mais tu vois largement le souvenir, ce dernier ayant préparé son attaque bien trop tôt. Il commence également à être essoufflé au moment où il arrive proche de toi. Tu pars sans problème son coup avec ton arme. Tu vois le bout de son marteau virevolter et tomber contre un arbre, de ce côté. Il est foutu. Il va garder sa dernière action pour faire une défense passive. Pourquoi il a 3 actions? Il a 3 actions parce qu'il a fait 6 déclencheurs. Ah oui, moi je vais en marquer 3. Hein. J'ai mis 3 décès, mais c'est pour 3 actions, désolé. Mais il avait bel et bien fait 6 déclencheurs. C'est la première fois que je vois ça, mais... Il va passer par chacun d'entre nous. Il faut écrire les bonnes choses. Non mais d'accord. Non, c'était troublant. Bon bah du coup, c'est à moi. Oui. Bah moi du coup, je vais utiliser mon pouvoir pour faire une onde. Et étant donné qu'un seul ennemi n'a pas agi pour l'instant, je pars du principe que vu que les autres vous avez plus ou moins aligné, tu peux parfaitement en toucher plusieurs parmi eux. Vais défier. En fait, simplement, soit tu décides de toucher les 3 premiers en partant du haut, soit les 4 en partant du bas. Donc les 4 plus lents ou les 3 plus rapides. 2, 3, 1, 2, 4. D'accord, ouais. Je dis des conneries parce que du coup, t'en touches les 4 premiers parce que ça touche aussi les 3 premiers. Ouais, alors, c'est plus ou moins intéressant prévu. Dans ce cas-là, si tu touches les 4 derniers, comme je te l'avais précisé, tu ne toucheras que les 3 derniers plus Papa Chico qui lui est allongé au sol le temps qu'il se relève. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être intéressant de toucher Papa Chico. Mais dans ce cas-là, tu toucheras les ennemis les plus lents et qui n'ont pas dépensé d'ego pour l'instant. Ou alors tu attaques ceux qui ont déjà dépensé d'ego et qui sont les plus rapides à se jouer. Ouais, mais je vois qu'il y a le mec au panneur qui a 2 dés déclencheurs et qui va agir 2 fois. Donc si je nique son ego, ça peut être. Pourquoi l'un des compagnons a 4 déclencheurs ? Qui ça ? Non, c'est juste que la manière dont tu l'as dit, c'est ça qui me fait. J'ai imaginé de manière RP le mec qui voit que l'autre a plusieurs déclencheurs. Et oui, tout à fait. Mais c'est la vision des chroniqueurs, ça. Enfin, genre, à un moment, faut s'adapter. Mais ça vous a pas réussi, hein. je pars des 4 plus lents. Y compris, du coup... D'accord, donc Papa Chico. Au sale. Ouais, Papa Chico. Il y a Papa Doc. Mais pas du tout, c'est un rappeur dans Wimax. Ah. Ça n'a aucun rapport. Eh bien, vas-y, je te laisse me faire un jet de Intelligence Engineering combiné à un jet de Psyché Domination. Pour rappel, seul le Psyché Domination compte, mais les déclencheurs se cumulent. Je suis très content. Donc j'ai fait 2 déclencheurs pour Engineering. Okay. J'ai fait 4 réussites, mais ça compte pas. 4 réussites. Ok. Enfin, il me semble qu'il y a un seuil de difficulté de 2, mais dans tous les cas, tu vas l'atteindre, donc on s'en fout un peu. Ouais. Et l'autre... Putain, j'oublie toujours le deuxième dé... Ah oui, c'est domination. Ok. Et moi, pour l'instant, je vais préparer les défenses mentales. Qui malheureusement... 4 réussites. C'est un élève qui a tué. Le premier fait une réussite. Je le nique. Le deuxième fait 2 réussites. Dont 2 déclencheurs, mais on s'en fout. Le troisième fait... Faut qu'il fasse 4, hein. Dont un déclencheur. Et le quatrième, donc Papa Chico, il faut qu'il fasse... C'est une réussite. 4. Je fais 4. Ouais, parce que j'ai fait 4, dont un déclencheur et donc 3 déclencheurs. Du coup, ça se passe comment quand t'attaques tout le monde? Est-ce que ça prend leur tour ou pas? Justement, vous voyez le chroniqueur commencer à élever au maximum quasiment de ses capacités au vocalisateur et pousser un énorme cri en direction de ses ennemis. Une onde de choc qui balaye le chemin. C'est pas la même voix. Des brins d'air qui sont soulevés, propulsés sur les côtés. Les hommes qui reculent, certains qui commencent à se toucher les oreilles pour essayer de débruiter le son qui arrive jusqu'à eux. Tu as fait 3 déclencheurs, donc tu arrives à toucher les 4. Tu fais donc, il me semble, 1 dégât d'ego plus 1 par déclencheur. Donc 4 dégâts d'ego, c'est pour. Voilà. S'ils ont 10 ego comme nous, ça fait genre quasiment la moitié en. C'est ça, en une attaque. Un coup, quoi. Donc, plus 4. Sachant qu'ils ont dépensé en plus, donc ça va aller très vite. Dans 2-3 tours, c'est fini. Enfin, pour eux. En sachant que ça compte pas dans leur défense active ou passive. C'est alors, juste... la défense mentale, non, est une défense passive. D'accord. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu de bonus grâce aux points d'ego qu'ils avaient dépensés. Okay, d'accord. Tu as donc utilisé ta deuxième action précédemment pour faire ta défense active. Effectivement. Donc, au tour du joueur, tu vas jouer Toric. Ben là, c'est à toi. Voyez... Tu viens de voir, pour rappel, plusieurs scènes. L'un d'entre eux qui se lance sur. Efflux qui le rate puis atterrit sur Mokosh qui le rate également et Efflux qui contrebande en propulsant une onde de choc en direction de ses ennemis. Que fais-tu? Et là vous me voyez sortir de derrière moi un gros fusil. Mon fusil fongicide à fongicide charger une cartouche incendiaire de poussière de feu. On est en forêt mec. Et je vais tirer puisque leur direction est dégagée. Mais comme il l'a précisé, ils étaient en masse, en groupe, un peu proches les uns des autres. Sonné, et donc en effet. Je vais tirer dans le tas. Voilà. Alors, certains parmi vous ne le savent peut-être pas, mais lorsque Toric a créé son personnage donc en jeu, lorsque Toric s'est entraîné en hospitalier, il avait mis des points en projectile. Il s'avère que Toric est un très bon tireur. Ouais. Donc 5 dés que tu peux jeter plus des dés d'ego si tu en as dépensé. J'en avais dépensé 2. Ce qui fait 7 dés. Ça fait maintenant, 7 dés. Maintenant il faut espérer que. Alors. Du coup j'imagine que tu vises ceux que venait de viser. Très exactement. Bien. Je vais donc voir si certains d'entre eux faire une défense passive ou active. Je te permets juste avant que tu lances les dés, je vais définir qui se défend activement ou pas. En fait, je vais simplement mettre une petite croix à la fin de ceux qui ont joué toutes leurs actions. Comment tu te défends activement dans un truc comme ça? Bah simplement... Bah tu sautes, c'est une esquive. C'est d'ailleurs pour ça que ce sera pas un jet de corps à corps, mais un jet cette fois-ci de mobilité. Alors... T'as pas joué à Dark Souls? Oula. Le Romano de tension va faire une défense active. Ça marche. Le Romano poignard va faire une défense active parce qu'il lui restera dans tous les cas une action. Et d'ailleurs lui en a fait 3. Du coup, c'était un XXX. Toi, t'en as fait 2. Le faux furieux, il lui restait une action, hein, t'avais dit. Oui, c'est vrai, merci. De rien. Tu auras le droit à un bonus de fair play le jour où. Il l'aura bénéficié. Ça, ça, ça. Et le troisième. Le jour où tu seras face au fair play. Une action active. Eh bien, je te laisse effectuer ton attaque. Et Papa Chico, lui, ne peut pas jouer d'action active. Il aura donc se défendre avec une difficulté de 2. Non, même pas! Papa Chico n'a qu'un seul de défense passif parce qu'il n'est pas debout. Tu gagnes. Tu as un. Tu vas le tuer. Si t'es debout, attends, tu es à deux. J'attends mes dés. Hein. J'espère qu'en ce moment même, tu sais, au moment où il va avoir le feu sur lui, il va regretter le moment où il a fait. Allez, on va les tuer. Ça dépendra de mon jet. Eh bien, je te laisse faire ton attaque, mon ami. Vas-y. Défonce. Alors, attention, on n'avait pas. Truc, qu'est-ce que tu fais? Sachant qu'ils ont 3 dés en mobilité. Est-ce que tu as fait plus de 3 réussites, Toric? Mais dis-le! Il faut un peu de suspense. Alors, le premier. Parle, t'en prie! Le Romano de tension qui allait jouer en dernier lui fait 2 réussites, dont un déclencheur. Sur sa défense active. Il y a un petit sourire, c'est-à-dire que c'est bon, il a fait plus de 2. Le Romano Le Romano poignard avait dépensé 2 points d'ego et jette donc 5 dés. Il fait 3 réussites, donc 2 déclencheurs. ça commence à être pas mal. 3 réussites, c'est pas mal. 3 réussites, ce que t'as fait. Le Romano à la masse, lui avait également dépensé 2 points d'ego. Il va jeter donc 5 également. Il fait également 3 réussites, également 2 déclencheurs. Papa Chico a une défense passive de 1. Torik, annonce-moi le résultat de ton attaque. Et donc, qu'est-ce que ça va lui faire d'avoir une défense passive? Yes! GG. Vous entendez, notamment toi, Jacquard, tu entends le bruit de l'arme de Torik se charger. Puis, le projectile atterrir en plein milieu des hommes. Aucun d'entre eux, pas un seul, n'a le temps de s'échapper au moment où l'explosion retentit. Torik, je vais cliquer sur ta fiche de personnage, nous allons vérifier les dégâts infligés par ton arme. 250. Fusil à fongicide. Les dommages en effet sont nommés sous X, puisqu'il s'agit de dommages par tour. Je vais donc vous demander quelques instants si cela vous ne dérange pas. Putain. Alors. Les pauvres. Les mecs ils sont. Oh, on va les tuer! C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de l'utiliser cette arme, mais on va pouvoir se faire plaisir. Ah, c'était le moment là. C'était le moment. Nous sommes donc face à une poussière de feu. Et de base 8 dommages, plus 1 par déclencheur, 9. Et qui fait également 3 dommages par tour. Je vais retirer quand même. C'est pourquoi ils prennent tous 9 dégâts. Ils prennent tous 9 dégâts dus à l'implosion. Et à chaque tour, ils prendront 3. Faut que je m'enlève une cartouche. Pas d'armure. Et là, je dis discrètement à Flux. Hey Flux, tu me feras penser à en racheter des cartouches. C'est pas ton. Je suis pas ton secrétaire. Hein. Oh, ouais. Non. Attends, oui. Tu m'as dit 9 dégâts. 9 dégâts, oui. Ok. Au moment où l'espèce de fumée provoquée par l'explosion commence à diminuer, vous observez des giclures de sang, des bras arrachés qui ont été propulsés contre le sol. Vous voyez également, est-ce que ce sont des tripes qui sont là en train de se répandre au sol? L'un d'entre eux semble bloqué dans celle de son voisin. Mais ce qui vous choque, ce sont surtout les cris et cette odeur de viande cramée qui vous remonte jusqu'aux narines. Vous entendez des cris, des larmes, des pleurs et des hurlements. L'un d'entre eux se tient le moignon en hurlant. Certains arrivent légèrement à se relever en flammes et tentent de courir. Mais j'avais dit qu'on voulait pas se battre, bordel! J'avoue quoi. Dans tous les cas, le temps que tout cela arrive, d'autres sont en ce moment même en train d'agir. Visiblement, l'explosion ne les a pas tués sur le coup. En combien de temps les flammes auront-elles le fin mot de l'histoire? Ça, vous le verrez à la fin du tour. Au prochain épisode. Allez, je me casse. Le Romano à l'épée, lui, est un chanceux. Il n'a toujours pas été attaqué. Il n'a pas été pris dans le souffle de l'explosion. Tiens. Par vengeance pour ses camarades, il se dirige en direction de Torik. Et Torik t'assène un grand coup avec son épée. Celui à l'épée. Donc t'as plus d'action toi, Torik? Bah c'est défense passive. Malheureusement, Torik est en défense passive à 1D. 1D ou 2D? J'ai des bêtises, à 2. La défense passive est de 1. Si tu es debout et actif, elle est également de 2. Et si tu es en train de courir, je crois qu'elle monte à 3. Mais quand tu es en train de courir, tu as un malus sur tes jets d'attaque. La technique du coup, c'est courir en rond. Et ne jamais attaquer. Je fais c'est ça, tu m'auras pas. Un déclencheur. Et en cas d'égalité, j'ai oublié ce qui se passait. Je vous demande. Qui possède le plus de déclencheurs? Bah, étant donné que tu m'en prends, malheureusement. L'attaquant arrive tout de même, Torik, à t'asséner un coup. Et se jette sur toi et te donne un violent coup d'épée. Je fais combien de dégâts? Alors du coup, il a fait combien de réussites? J'en ai fait deux, mais un déclencheur. Et le déclencheur permet de rompre l'égalité. Donc étant donné que tu es en défense passive, malheureusement... De toute façon, il aurait fait deux réussites et pas deux réussites, je pense qu'il aurait quand même passé. Ouais, mais si je fais deux réussites, deux déclencheurs... Mais non. Oui, t'as fait une défense passive. Tu ne jettes pas de dés. C'est ta passive. La défense passive, tu ne jettes pas de dés. C'est simplement un seuil à atteindre. Ah, d'accord. Justement, tu es passif, tu attends. Enfin, tu attends, on se comprend. Alors, cette arme fait 8 points de dégâts. Oh. Lorsque le coup est asséné, vous voyez du sang commencer à imbiber la tenue de Torik. La blessure semble profonde, mais pas mortelle. Torik, tu es déstabilisé, tu commences à tituber, et tu tombes à genoux. Donc là, j'ai pris 6 points de dégâts, tu vois le sourire du Romano 8. Oui, mais j'ai 2 d'armure. Ah oui, en effet, est-ce que tu as 2 d'armure? Eh oui, attends. Bonne vie. Ta fiche est déjà mise à jour. Il te reste 4 donc points. Donc c'est 6, pas 8. Ok. C'est chaud, hein. Il vient d'agir et de faire sa première action. Et sa dernière, d'ailleurs. C'est maintenant Mokosh. D'agir. Mokosh, est-ce que tu t'es défendu activement? Elle a agi. Elle a agi. Je me suis défendu activement. Oui. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est à moi, je crois. Oui. Non, c'est à quoi? Non, ah oui, le Romano à la base a joué. C'est donc en effet au tour de Jacquard. Défonce l'épée. L'avantage que j'ai eu à balancer le feu, c'est que tout le monde quasiment s'est défendu activement. T'as coupé. Mais tu couches. Non, je dis que le fait d'avoir activé le feu a fait que les gens se sont défendus. Tu coupes. Oh, mais... Je sais pas ce que tu dis, mais c'est censuré. Le fait que... Oui, ça on l'entend. J'ai utilisé le feu. Les gens ont utilisé leur défense active. En effet. C'est pas un truc que t'as envie de te défendre passivement devant. Alors, de ton côté, du coup, Jacquard. Oh oui. Oh oui. Je te laisse agir. Qu'est-ce que tu souhaites te faire de ton action? Donc, c'est à moi. Alors. Alors, si je me suis imbibé. N'hésite pas à poser pas la question, c'est ton premier combat, tu as le droit. Alors, si je me souviens bien, donc il y a Ghost qui est prise avec un gars. C'est Torik. Il vient d'être blessé. La plupart des hommes sont actuellement en train de brûler vifs devant toi. Il y a toutefois l'homme au couteau qui avait raté ses actions. Enfin, l'homme, pardon, au marteau. Fou furieux. Le fou furieux, justement, qui est pour l'instant désarmé, mais toujours sain et sauf. Tandis que l'homme à l'épée vient de blesser grièvement Torik. Tu peux tenter de t'en prendre à eux, te diriger vers Papa Chico, sous ceux en train de brûler. C'est à toi de voir. Quelle est pour toi la priorité dans le combat? Bah, je pense que. On va empêcher l'homme à l'épée de faire plus de dégâts à Ghosted et puis. Enfin, à Torik, pardon. Okay. Et je vais le défoncer avec mon marteau. Ok, tu empoignes ton marteau, tu vas me faire un jet de body mêlée. Malheureusement, tu as un malus de 2 à cause de ton marteau du jugement. Parce que c'est une arme difficile à porter. Est-ce que tu avais. J'ai Hammer Blow. Pardon? Puisque c'est en potential. Je sais plus si ce que c'est, j'avais. Non, c'est qu'est-ce que c'est? Alors, j'avais ça, plus c'est un talent. Par rapport à la compétence choc qui dit que tu dois faire X déclencheur pour pouvoir réutiliser ton arme au prochain tour. Ok. Et en effet, on l'avait diminué de 1. Normalement, le marteau demande 3, toi seulement 1. Toutefois, tu vas voir que tous ces malus vont être compensés, notamment par le nombre de points d'égo que tu avais dépensé. C'était bien 2, il me semble. C'est exact. Donc au final, ils vont annuler le malus de manipulation de ton arme. Tu peux donc jeter 6 dés. Et tu dois faire 2 ou plus. Réussite. Les déclencheurs permettront de faire des dégâts supplémentaires et également éventuellement de réutiliser ton arme au prochain tour. C'est ton moment, Jacquard. Tu dois montrer que tu es puissant. 3 réussites et un déclencheur, du coup. C'est très 3 bien. 3 réussites et un déclencheur. Tu sors ton marteau. Tu vois cette arme si lourde. Tu l'as souvent utilisée pour t'entraîner, mais finalement, ça va faire longtemps, comme je te l'avais dit en début de partie, qu'elle n'a pas pu goûter au sang d'un claniste ou d'un vilipendeur. Tu la soulèves dans les yeux. Tu vois, comme je l'avais dit plus tôt, l'homme à l'épée, les yeux plongés dans ce Torik. Il est fier de son action. Jusqu'à ce que le marteau écrase son crâne. et le projette contre un arbre juste sur le côté. L'intérêt du marteau est qu'il fait autant de dégâts que la force de... je vais juste vérifier ça aussi. Que la force au centrifuge. Il me semble normalement... Que... que la gravité... Sa tête est juste broyée. Il fait autant de... il fait autant de dégâts que l'existence elle-même. Voilà, c'est ça. En fait, tu as... Non, tu as il le... fait autant de dégâts, mais quasiment au final, que ceux que devrait infliger Jacquard en force, plus 1. Jacquard possède actuellement 5 points de force, il fait donc 6 points de dégâts, plus 1 car il a fait un déclencheur, 7 points de dégâts. Le marteau propulse et écrase littéralement le crâne de l'homme qui est propulsé sur le côté. Lorsque ton marteau tombe à tes genoux, et d'ailleurs tu ne pourras malheureusement pas l'utiliser au prochain tour, si prochain tour il y a, tu vois la mâchoire complètement déformée de l'homme que tu viens de frapper. Il a d'ailleurs lâché son épée dans l'action, et c'est comme si cette dernière était rentrée et repliée. Tu peux voir d'ailleurs une multitude de dents répandues sur le sol, en un petit chemin, tel le petit poussé dans le conte. Et ces derniers redirigent directement son crâne jusqu'à ton marteau au sol. Il perd donc 7 points de vie. Toutefois, il est toujours bel et bien en vie. Après Jacquard, le Romano au poignard et le Romano aux deux tensions sont censés agir. Malheureusement, seul celui au poignard aura le droit à une action qu'il utilise pour éteindre les flammes en retirant les vêtements qu'il possède. Tout le monde fait. Vous êtes tous là, vous venez tous d'agir. Quelques secondes seulement se sont en réalité écoulées depuis le début du combat. Malheureusement, le Romano à l'épée, le Romano à la masse, semble ne plus faire partie de l'équation, tout comme celui de tension. Ils sont tous les deux morts. Morts par les flammes. Papa Chico, lui, avance péniblement. Sa chevelure et le cartilage de son nez semblent avoir fondu sous la chaleur. Le Romano à l'épée est également hors d'état de nuire. Et celui au poignard n'a plus que quelques points de vie. Devons-nous réellement effectuer les actions suivantes? Nous n'allons plus faire de jet d'initiative, je vais simplement vous demander ce que vous souhaitez faire. Comment est-ce que vous souhaitez vous débarrasser des derniers, qui n'ont actuellement aucune chance de vous vaincre? Il y a Papa Chico au sol? Oui. Ah, lui, on le garde en vie. Attends, moi, je me dirige vers Papa Chico et j'éteins les flammes. C'est qui reste à exécuter? L'homme fou furieux. Et un mec au poignard. Il n'a pas subi de blessure. Ah, lui, il est toujours debout et en. Relativement épuisé. Mokosh, t'as une énorme épée, tu fais tac. Et monsieur, il fait. Ouais. Ok. Tu t'approches de lui, tu vois qu'il est bien moins impressionnant maintenant que son marteau a été coupé. Il jette son arme au sol et avant qu'il ait temps de prendre la fuite, tu le découpes en deux d'un violent coup d'espadon. Bah moi je me dis... également celui au poignard qui est désormais nu devant vous. Il a éteint les flammes et son visage est complètement calciné. Jacquard. Tu l'achèves? Jacquard, hein, c'est ton moment. J'ai la possibilité, vu que. Alors, t'as dit que en théorie, tu n'es pas censé pouvoir te servir de ton marteau. Ouais, justement, mais je sais pas si. Ce serait complètement débile de vous refaire faire des jets pour un combat qui est visiblement gagné d'avance. Oui, bien sûr. Hein. Et je te laisse décrire la manière dont tu souhaites éteindre les dernières passelles de vie de son corps. Je vais être clément et lui donner un coup dans les entrailles. Il puisse bien sentir. Clément. Il donne un violent coup dans les entrailles. À ce moment-là, vous apercevez, sortant des tentes, d'autres hommes qui vous observent. Le spectacle qui s'offre à eux est complètement apocalyptique. Certains de leurs hommes sont là en train de hurler de douleur sous les flammes qui les prennent. D'autres sont là, le visage écrasé contre un arbre. Tandis que, par clémence, un juge propulse les entrailles du dernier contre leur chef au sol. Je vais d'ailleurs faire un jet de survie pour Papa Chico. Bah, moi, je me suis approché de Papa Chico et j'ai éteint les flammes. Ok. Moi, je suis approché, je le regarde souffrir. Je vais l'approcher, puis j'éteins les flammes. Et au moment où j'éteins les flammes, je lui dis oui. Si tu parles, tu vis. Je vais juste vérifier. Et tu vas regretter. Des petits stats. Non, mais le fais pas crever, merde. On voulait parler de Papa Chico. Moi, une fois que j'en ai fini. Une fois que j'ai fini d'être Clément, je vais l'empoigner là, le Papa Chico. Mais attends, mais non, il est au sol, il va mourir. On est à côté, on est à côté, on est à côté de lui là. En effet, il semble mais je vais quand même le secouer. Étonnamment bien encaissé les précédentes, même si son visage est déformé, que son nez n'est plus apparent. Lorsque tu t'approches de lui, il est encore en vie. Bah, et peut-être préférerait-il que cette dernière quitte son corps, mais cela lui est interdit. Du coup, je me mets à son niveau, puisqu'il est au sol, j'imagine. Tu coupes. Tu coupes le méa. Vous m'entendez, là? Oui. Bon, je cherche à l'intimider avec des grognements bestiaux. Je me mets au sol. Et je lui dis, si tu parles... Tu sens tout de même un filet de sang continuer de couler le long de ta plaie. Si tu parles... Tu vis. Aidez-moi. Alors. Je vais prendre mon marteau. Je prends mon marteau et je vais frapper un énorme coup à côté de sa tête, de la tête. Et puis je vais hurler. Mais tu vas parler, Papa Chicouille, merde! Je pense qu'il vous va parler. D'un violent sursaut sans poigne de son marteau et frappe juste à côté de son corps. Vous voyez Papa Chico qui est dans un sursaut commence à s'esclaffer. D'accord, je vais tout dire. Que t'as demandé la femme qui vient de partir? Elle est venue me voir, elle soupçonnait que vous ayez découvert notre position ici et nous a ordonné de trouver les... La bande qui s'était infiltrée dans la ville et qui commençait à enquêter sur ce qui s'était passé. Et qu'est-ce que vous avez fait pour elle? Est-ce que t'as buté l'ancien, merde? Oui, c'est nous. Écoutez, je sais pas pourquoi elle a demandé de faire ça. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'ancien allait diffuser des informations qu'elle tenait à préserver secrètes. Je vais soigner. Quelque chose de pas net chez elle, elle est complètement folle. Je vais soigner. Ok, fais-moi un jet de médecine. Au moins pour le stabiliser quoi, pour le stabiliser, pour pas qu'il crève. Tu soigneras de 1 point de vie plus 1 par déclencheur. Alors attends. Intelligence médecine avec une difficulté de 2. Intelligence médecine, donc ça me fait 8. Alors j'ai 4 réussites de déclencheur. Ok, tu le soignes de 3 points de vie. Donc en gros ça l'a stabilisé. Ouais, ça l'a stabilisé. Tu vois que finalement la plupart de ses blessures ont déjà été, cautérisées. Cautérisées par le feu. La déflagration et se tenait étonnamment, heureusement pour lui à l'écart et que ça a pu le protéger un minimum. Du coup je lui dis... Écoutez, tu vas vivre. On était juste là pour faire des fouilles. On n'avait rien à voir avec toute cette histoire. C'est elle qui est venue nous voir. Je sais. Laissez-nous tranquille, s'il vous plaît. Tu vas vivre, mais tu vas parler. On va t'emmener avec nous et tu vas parler à des gens. Tu vas dire ce que vous avez fait pour elle. Attendez. Si jamais je me rends en ville, je suis un homme mort. Elle a la garde à ses bottes, je vous rappelle. Si tu parles pas, t'es un homme mort aussi. Regarde, j'ai deux personnes derrière moi qui attendent que ça de te défoncer. Donc c'est à toi de choisir. Avec nous, tu risques rien. On pourrait pas me déplacer dans ces conditions. Avec nous, tu risques rien. On t'emmènera. Et une fois que t'auras parlé, tu seras pris en charge par les gars là-bas. On se fera rien du tout. C'est soit tu meurs maintenant, soit tu meurs maintenant. Allez au diable. Tu vas quand même me faire un petit jet de... charisme... Je dis F-Lux. Va convaincre le monsieur, là. Bah, en vrai, on le traîne. Oui, en vrai, il va pas venir de tendre résistance pour ça, je pense. Il a pas trop le choix en même temps. Genre, il est blessé. Dire, on le prend par les bras, et puis on, de façon à ce qu'elle puisse pas nous envoyer quelqu'un pour le buter et éliminer un témoin, on se fait une espèce de formation où il est entre nous, et puis voilà, on a notre trope. S'il faut se défendre, autant l'exécuter tout le village. Autant ? Autant exécuter tout le village. Toi qui dis ça ? J'avoue ! J'avais l'impression que t'étais contre ça dans une ancienne vie. Hein ? On se connaît ? Non. Ouais, non, je pars d'une ancienne vie. Là, je... Du coup, tu j'ai comme l'impression. Charisme, négociation. Charisme, négociation. Focus. Alors, 3 succès une... et un déclencheur. Ok. Alors, t'as juste fait 3 succès ou t'as fait 3 succès et quelque chose d'autre parce que t'as coupé ? 3 succès, un déclencheur. Ah, c'est d'accord. C'était important à préciser, du coup. Oui, je pense, que... oui. Je sais que ça coupe, ça. Eh bien, sans doute que ces derniers mots seront les suivants, alors. Les Romano n'ont qu'une parole. Jamais je ne m'abaisserai à balancer ainsi publiquement de telles informations. Tuez-moi tout de suite, la douleur est insupportable. Bon, bah, juste le porter alors. Je l'assomme. Tu lui assènes un. Tu pars. C'est exactement non, je l'assomme. Tu sais où frapper pour lui faire perdre connaissance sans risquer de. Oui, c'est vrai. D'entraîner de. On va dire la perte de ses fonctions vitales. Et moi, je propose qu'on fasse ce qu'a dit Jacquard. Hein. Genre, on le tire pas par les bras. Vous observez au loin les quelques Romano restants. Ils doivent être au nombre, peut-être une petite dizaine. Vous observez timidement. Ils ont vu les dégâts de la déflagration et n'osent pas vous approcher. D'autant plus que leur chef est entre vos mains. Alors ils vous laisseront sans crier gare partir avec leur chef entre vos bras. Certains ont d'ailleurs pris la fuite. Vas-y, j'ai envie de les tondre, tu sais, de faire un pas en avant, tu sais, comme ça, en mode... Ce soir, tu vois, ce sont la plus sûre d'entre eux qui recule comme un sursaut non assumé qu'il a... Allez, parfait, ça me va. Voilà. Mais pendant ce temps-là, je vais juste essayer de me soigner un tout petit peu, de m'auto-soigner, si c'est possible. Très bien. Et on le... Et depuis combien de temps vous avez quitté la ville pour vous rendre dans la forêt ? Le temps, vous ne l'avez pas vu passer. Vous vous êtes arrêté plusieurs fois pour récupérer vos provisions et vous avez dû faire un certain aller-retour. Dans tous les cas, vous vous dirigez à nouveau en direction de Lucatoré. Et c'est sans doute ici que la prochaine fois se clôturera cette aventure en Purgarée.